passe. Je connais beaucoup de visages amis ici. Ça me fait très plaisir de venir faire cette petite conférence. Le GEMA, c'est mon laboratoire de cœur. Si je suis allé ailleurs, comme vous le savez, je reste d'ailleurs chercheur associé au GEMA et j'en suis très fier. Alors le LEAD, c'est un laboratoire de Paris 7. Qui est dirigé, co-dirigé par un physicien, Hassan Perhousaini, et moi-même. Donc vous voyez que c'est très atypique comme configuration. C'est un laboratoire qui est pluridisciplinaire, en acte, si je puis dire. Donc il y a à la fois des physiciens, des biologistes, des géographes, sociologues, historiens qui travaillent ensemble, pour de vrai, si je puis dire. Et ceux qui ont un tout petit peu suivi mes intérêts, mes passions, savent que la pluridisciplinarité est pour moi une vieille obsession. J'ai tenté souvent de la mettre en application, notamment avec un dialogue avec les sciences cognitives, voire de temps en temps avec les neurosciences, je dois dire avec un succès assez incertain. Et puis on avait fait à Strasbourg, certains s'en souviennent puisqu'ils étaient présents, un beau colloque, je crois, sur le naturalisme dans les sciences sociales, qui a testé cet intérêt pour ce dialogue entre les sciences dites de la nature et les sciences humaines et sociales. Mais je dois dire que voilà, dans ce laboratoire, j'ai beaucoup de chance parce que cette pluridisciplinarité s'organise réellement, puisque la question de l'énergie est une question qui est technique, mais elle a aussi, bien entendu, elle implique des enjeux sociaux forts, ceux de l'acceptabilité par exemple. On travaille notamment sur l'intelligence collective, sur des choses comme ça qui me passionnent. Et tu es le seul sociologue dans ce laboratoire Non, pas tout à fait. Il y a Ariane de Bourdeau qui n'a pas de statut, disons, qui est chercheur qui travaille sous contrat. Voilà, pour l'instant, je suis seul sociologue. Voilà. Justement, autour de ces questions technologiques, il y a des enjeux de croyance collective ou de crédulité. Mais je ne veux pas trop vous parler d'énergie aujourd'hui. Je dois dire une approche, j'espère que vous ne trouverez pas trop superficielle, mais qui est assez superficielle, pour essayer d'embrasser et d'ouvrir la discussion entre nous sur un certain nombre d'éléments qui me semble intéressant, voire préoccupant, dans notre contemporanéité, par rapport à la place qu'occupent, on va dire, ce que j'appellerais des produits cognitifs, c'est-à-dire que sont par exemple les croyances qui peuvent être contestées du point de vue d'une certaine orthodoxie de la science. Et aussi, on sera peut-être amené à discuter de ce qu'il faut entendre par là. Je dirais que dans un premier temps, j'introduirai mon propos en rappelant les espoirs qui sont fort anciens, qui ont pu susciter les développements de la connaissance scientifique, tout simplement, la meilleure connaissance que nous avions de notre environnement et de la réalité biologique de l'être humain, les progrès de la scolarisation des populations, le recul de l'illettrisme, etc. Tous ces éléments aurait pu nous faire croire, et ont longtemps fait croire, que la métaphore des vases communicants était celle qui prévalait pour raconter, en quelque sorte, pour narrer le rapport qu'il y a entre connaissance et croyance. En un sens, les progrès de la connaissance étaient censés faire reculer mécaniquement l'empire des croyances, métaphore des vases communicants. Et je dois dire que cette métaphore, j'y suis revenu un certain nombre de fois dans mes précédents livres, me paraît pas très opérante pour décrire les rapports ambigus que peuvent entretenir la connaissance considérée comme orthodoxe et donc des croyances considérées comme hétérodoxes. Et je n'aurais pas besoin à ce moment de mon exposé de trancher la question de savoir quels sont ceux qui sont vrais ou sont faux. C'est même pas la question que je me pose. La question que je me pose et le constat que je fais dans notre contemporanéité, c'est qu'un certain nombre d'énoncés qui sont considérés comme orthodoxes, peu importe qu'ils soient vrais ou faux, et sur des sujets qui sont éminemment techniques, et donc sur lesquels on pourrait s'attendre à ce que nos concitoyens agissent par délégation, c'est-à-dire qu'ils croient par délégation compte tenu de la technicité de ces sujets, eh bien on s'aperçoit que l'opinion publique, en ce qu'elle peut être évaluée par un certain nombre de sondages, ne croit plus, dans une certaine mesure, l'expertise scientifique. Et il y a une méfiance, voire une défiance sur certains sujets. Et les sondages donc, que j'évoquais montrent, prenons-en un exemple parmi tant d'autres, par exemple, en 2005, 49% de la population française dans le sondage déclarait croire qu'il était cancérigène de vivre près d'une antenne relais. Bon, c'est peut-être vrai, par exemple, mais compte tenu de la connaissance orthodoxe sur cette question, c'est quelque chose qui est absolument non prouvé, hein, qui n'est pas évaluable selon les enquêtes épidémiologiques, etc. 49% en 2005, et en 2010, 69%, un sondage un peu longitudinal, endosse cette fois cette croyance, que je vais considérer donc comme une croyance, puisque c'est un énoncé qui est contradictoire à l'orthodoxie, disons, de ce qu'on peut savoir sur cette question, si on se fie aux états de l'art qui existent sur ce point. Bon. Voilà un point qui peut paraître énigmatique et hautement sociologique. Pourquoi ? Compte tenu de l'élément technique, et pourquoi cette variation aussi de la crédulité qui semble progresser donc ces dernières années. Alors, il y a plein de raisons pour expliquer la persistance des croyances malgré les progrès de la connaissance. Si ces mots ne vous fâchent pas, je sais que le terme de progrès ou même d'objectivité dans le domaine des sciences sociales peut provoquer des conflits ouverts, mais vous voyez que ce sont des termes que je n'ai pas trop peur d'utiliser. On peut donc éclairer ce problème de bien des façons, en faisant remarquer, par exemple, comme j'ai essayé de le faire dans des livres précédents, par exemple, L'Empire des croyances ou Vie et mort des croyances collectives, qu'il y a en quelque sorte des déterminants anthropologiques du croire, hein, qui sont valables dans le fond, dans toutes les sociétés, quelles que soient les cultures. C'est on pourrait appeler les limites fondamentales de la rationalité humaine qui nous retirent de la possibilité d'être des êtres connaissants à tout moment et nous contraignent en quelque sorte à être des êtres croyants, comme d'ailleurs moi qui vous parle, je suis traversé de toutes sortes de croyances et la plupart du temps en l'ignorant bien entendu, parce que la caractéristique de la croyance c'est de se faire ignorer en tant que croyance et souvent se faire passer pour de la connaissance. Mais ce qui va m'intéresser dans l'exposé que je fais aujourd'hui, un peu évidemment adossé au livre que je viens de faire paraître, La démocratie des crédules, ce qui va m'intéresser, c'est les conditions, non pas anthropologiques du croire, mais on pourra en discuter ensuite, mais bien les conditions ultra-contemporaines du croire. Voilà. Donc je ne restreins pas le domaine qui m'intéresse à ces conditions-là, mais ce ne sont que ces conditions que je vais vous exposer aujourd'hui, et même pas encore toutes, j'aurai pas le temps, certaines d'entre elles. Donc je vais être, encore une fois, je vais avoir une approche assez superficielle sur ces questions, mais je pense qu'il ouvrira la conversation en commençant tout simplement par un exemple qui a surgi en un autre temps. Et vous allez voir pourquoi je parle d'un autre temps, et qui est le début des années 80. Ceux qui ont vécu notamment aux États-Unis, ce n'est pas mon cas, donc je crois que c'est vrai, je n'ai pas vérifié, mais ceux qui ont vécu au début des années 80 aux États-Unis ont pu voir de drôles de publicités surgir dans leur quotidien, peut-être pas dans tous, mais dans certains, montrant un hamburger. C'était une pub pour, j'ai le droit de dire des marques ici, on n'est pas à la radio ou à la télévision, donc une publicité pour McDonald's que vous connaissez tous. Et bon, jusque-là rien d'étonnant, sauf que, fait étonnant, le slogan ou l'explication de cette publicité, c'est le suivant. La viande de McDonald's ou des hamburgers de McDonald's est constituée à 100% de bœuf. Bon, donc pas de cheval, ça c'est entendu, mais pourquoi est-ce qu'ils affirmaient ça à l'époque ? On comprend mieux en regardant la publicité. Ils expliquent que si elle était constituée de vers de terre, hein, comme je ne sais pas si voilà. Si elle était constituée de vers de terre, ça c'est un peu dégoûtant, excusez-moi de vous infliger cette image. Eh bien, il faut savoir que la viande de ver de terre est beaucoup plus chère que la viande de bœuf. Donc, ce serait totalement irrationnel de la part de McDonald's. Et cette publicité, pourquoi est-ce qu'elle a surgi ? Ben, tout simplement pour répondre à une rumeur. Vous savez que les grandes marques, on en reparlera, Coca-Cola, etc., sont souvent frappées à partir d'un certain niveau de flottaison de notoriété. Je dirais, au-dessus de ce niveau de flottaison, les grandes marques sont souvent attaquées depuis toujours. Par des rumeurs, enfin depuis que ceux qui travaillent sur ces questions peuvent les enregistrer. Et donc en fait une rumeur avait frappé la marque McDonald's qui affirmait qu'en fait la viande de ces hamburgers était constituée de vers de terre, ce qui était une forme d'hérésie économique, mais qui a quand même assez bien marché à l'époque, au point que McDonald's a quand même dépensé des millions de dollars pour faire cette campagne publicitaire qui a couvert beaucoup de quotidiens de l'époque. Alors comme on n'est pas dans un séminaire de communication, mais sociologie, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est aussi une hérésie en termes de communication d'avoir fait ce plan campagne, c'était absurde. Mais ce qui m'intéresse dans cet exemple, c'est qu'on voit que c'est un des rares exemples, il y en a d'autres, où ce que je vais appeler en quelque sorte le marché non conventionnel de l'information, ou hétérodoxe, si vous préférez le terme, contamine le marché conventionnel de l'information. C'est-à-dire que quelque chose qui se répandait auparavant, la viande de ver de terre, McDonald's, plutôt par le bouche à oreille, quoi, je ne peux pas parier que dans un fanzine ou deux, il n'y a pas eu cette thèse qui était développée dans un article, mais globalement, ce qu'on appelle les gatekeepers, c'est-à-dire les journalistes, les comités de rédaction n'auraient pas fait passer ce genre d'informations dans leur quotidien. Donc c'était plutôt confiné, il y avait une zone d'étanchéité concernant ce marché de l'information. Et là, on a un exemple où il y a une porosité qui est organisée par la marque qui elle-même est frappée. Donc à mon avis, c'est une très grave erreur, mais enfin quand même, ils l'ont faite. Et c'est un des rares exemples de ce genre-là, c'est-à-dire qu'ils ont acheté des pages d'informations publicitaires pour démentir une information qui existait seulement sur le marché hétérodoxe de l'information. Alors, cela indique, je dirais, cet exemple de la viande de terre de McDonald's implique trois caractéristiques fondamentales de ce que j'appellerais donc des produits cognitifs. Quel est-il en l'occurrence? Ben, la viande de McDonald's est constituée de viande de ver de terre. Essayez de ne pas faire de lapsus. premièrement, la caractéristique de ces produits, c'est d'avoir une grande labilité. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Ben, à partir du moment où il se développe par le bouche à oreille, une proposition cognitive se développe par le bouche à oreille, ben d'abord, ben c'est un peu comme les histoires drôles. Si vous avez remarqué que les histoires drôles sont assez courtes. Pourquoi? Parce que nos capacités de mémorisation sont assez faibles. Hein. Et donc, comme elles se diffusent par le truchement de l'oralité, elles tendent vers des formes optimales de diffusion sociale qui sont plutôt la brièveté de la narration. D'accord? Pas d'histoire drôle qui dure pendant 7 minutes. La scripturalité, l'inscription par l'écriture, constitue en quelque sorte une prothèse mnésique qui nous permet de prolonger, de s'affranchir des limites, des limites fondamentales de l'oralité. Donc, limite mnésique, mais aussi l'habilité, je disais, parce que un certain nombre de chercheurs ont pu montrer que les messages tendaient à se déformer par l'interaction, par le bouche à oreille. Alors, je vais citer les travaux un peu anciens, mais intéressants, que vous connaissez peut-être, sur cette question, les travaux de Alport et Postman. Ce sont des psychologues qui ont travaillé à l'époque... C'était immédiatement après la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'on s'est aperçu en fait que les rumeurs étaient une arme de guerre qui était assez efficace, notamment pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc le ministère américain concerné a développé un peu d'argent pour travailler sur ces questions. Et Alport et Postman ont commencé basiquement, parce qu'il n'y avait quasiment rien sur ce sujet, à se dire, bon bah, comment ça marche? Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement observer in vitro le bouche à oreille. On va montrer une image à quelqu'un, par exemple à Olivier, qui va le raconter à sa voisine, la voisine va raconter à sa voisine, etc., sachant qu'il n'y a que Olivier qui va observer, qui va voir cette image, d'accord? Et donc, par le bouche à oreille, on va voir comment se déforme cette image. Est-ce qu'au bout de 7, 8, 9, 10 intermédiaires, l'image est, comment dirais-je, toujours fidèle, enfin plutôt la description de l'image est toujours fidèle à l'image. Bon, ce que Alport et Postman ont montré, c'est qu'en réalité, il y a une déformation assez sensible qui s'opère au bout de à peu près 7 intermédiaires. Et cette déformation, souvent, elle se produit, par exemple, en fonction de stéréotypes. En l'occurrence, voilà, je vous ai donné un exemple. Vous voyez, là, il s'agit d'un wagon de métro, on peut dire, qui est coupé. On le voit, il y a un certain nombre d'individus. Puis il y a deux individus au premier plan, l'image n'est pas de très bonne qualité. Un qui est manifestement noir, l'autre qui est blanc. Et vous voyez que le blanc tient un drôle d'objet dans sa main, qui est un rasoir. Mais ils sont en train de parler, on ne sait pas s'il y a la moindre agressivité, on peut le soupçonner, on ne sait pas. Et ce que montrent ces expérimentations, c'est qu'assez souvent, la narration au bout de 6 ou 7 intermédiaires raconte que c'est le noir qui tient le rasoir et qui menace le blanc. On est dans les années 50 aux États-Unis. Donc vous voyez comment la labilité du message peut se déformer pour tendre vers un certain nombre de sillons narratifs préalablement établis que sont les stéréotypes sociaux, en l'occurrence. Il n'y a pas de déterminisme là-dedans, ce n'est pas 100% de la population, mais c'est une tendance qu'ils ont observée. Alors, ça c'est la première caractéristique, l'habilité du message, ce qui implique, j'y reviendrai, à cause des efforts mnésiques qu'il y a pour se souvenir, que ces produits cognitifs dont je parle, qui passaient par le bouche à oreille, étaient généralement faiblement argumentés. Donc leur performativité sur le marché cognitif était aussi faible. Prenez l'exemple de la viande de terre de McDonald's. Il n'y avait qu'un seul argument, il n'y avait même pas d'argument. L'argument, c'était la viande de McDonald's est constituée de vers de terre. Prenez une autre rumeur dont vous avez peut-être tous entendu parler. La marque de cigarettes Marlboro est en fait soutenue par le Ku Klux Klan. Vous avez peut-être entendu parler de ça. Et c'est quoi l'argument pour dire ça? Est-ce qu'il y a un dossier épais? Pas du tout. Un seul argument, c'est les trois cas qu'il y a sur le paquet où on voit une vague ressemblance avec l'acronyme du clan. Vous voyez que c'est quand même difficile à acheter, si je file la métaphore du marché et du produit cognitif, c'est assez difficile à acheter. Donc généralement, ces produits, on se les racontait, mais sur le mode de l'ironie, de la demi-croyance, peut-être bien que, un peu comme on se racontait des blagues, sans y croire tout à fait, peut-être pour certains en y croyant un peu plus, si ça allait dans le sens d'un certain nombre de représentations que nous avions des choses. Voilà. Donc, la labilité avait des conséquences sur le caractère performant des croyances sur le marché cognitif. Le deuxième point, c'est la lenteur de diffusion. Car le bouche à oreille est le plus vieux média du monde, comme dirait Kapferer, mais vous reconnaîtrez que c'est un média relativement lent, quand il n'est pas soutenu par des prothèses technologiques, bien entendu, je vais y revenir. C'est un média relativement lent, donc qui se répand sur des sujets, et qu'est-ce qui se produit? Ben, généralement, des rumeurs, des croyances telles que je vais vous décrire, il y en a toujours eu. Simplement, beaucoup, probablement, on peut faire cette hypothèse, sont mortes-nées. Parce qu'une rumeur qui naît sur un fait d'actualité qui n'intéressera plus personne dans 3 jours et qui aurait été oubliée dans 7, c'est une rumeur qui n'a pas d'espérance de vie, en quelque sorte. Elle disparaît à l'horizon de l'intérêt collectif qui sera nul. Alors, ça, c'est une chose très importante parce que la donne va beaucoup changer. Car cela va être dépendant de la rapidité de développement d'une croyance et des arguments. Si ces arguments se développent lentement, ben généralement ils arrivent trop tard par rapport à l'actualité qui en chasse une autre. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que les seuls qui peuvent être visés par des rumeurs de ce genre ou des théories du complot, etc., sont des éléments sociaux qui sont au-dessus d'une certaine ligne de flottaison de notoriété. Les grandes marques, des personnages connus, James Dean n'est pas mort par exemple, ou des faits historiques importants. Par exemple, je ne sais pas... L'assassinat de John de Kennedy, a-t-on marché sur la Lune ou pas marché sur la Lune, etc. Des faits historiques, donc, importants. Le troisième point, qui me semble important aussi, et raison pour laquelle l'exemple de McDonald's me semblait assez intéressant, c'est que il y avait, jusqu'à assez récemment, on va dire jusqu'à la fin des années 90, des zones d'étanchéité relative, mais plutôt bien gardée par ceux qu'on appelle les gatekeepers. Et toute information n'était pas traitée comme ça dans les journaux, quoi qu'on puisse en penser. Et un comité de rédaction quand même qui se réunit, qui dit on va traiter ceci, cela, parfois pour le pire, hein, mais quand même aussi pour le meilleur dans certains cas. Et il y avait donc une étanchéité du traitement de l'information, et ça c'est quelque chose qui va beaucoup changer. Le fait majeur probablement, historiquement, de notre temps, c'est à partir de la fin des années 90, du début des années 2000, c'est tout simplement, je ne vous apprendrai rien, l'apparition de la sphère Internet. Vous voyez que là on est face à des progressions de 1995 et 2010, une progression proprement géométrique du nombre d'internautes, du nombre d'individus qui ont accès à cet outil qui est simplement un outil de diffusion de l'information. En fait. Que va constituer Internet? Du moins, c'est comme ça que je le lis. C'est simplement un outil qui va opérer 2 choses fondamentales, peut-être plus d'ailleurs, mais fondamentalement, c'est une diffusion massive de l'information, telle que l'humanité n'a jamais connue. C'est pourquoi je pense qu'on peut dire qu'on vit véritablement un moment historique, pour paraître trop emphatique. C'est une des grandes étapes, probablement, de la façon dont le marché cognitif s'est métamorphosé, et qui d'ailleurs est quantitativement tangible. On sait qu'on a développé 150 exabits de données en 2005, ce qui est déjà véritablement considérable, et les spécialistes disent qu'on en a développé 8 fois plus en 2010. hein, donc la progression. Je pense qu'à un moment donné, il va y avoir un plateau, mais on a observé à la fin des années 90 et au début des années 2000, enfin et à la fin des années 2000, une progression véritablement géométrique de la disponibilité de l'information. Mais ça peut être une adresse de pizzeria, ça peut être un article d'encyclopédie, ou etc. C'est tout et n'importe quoi. Ça va être des photos, bien entendu. Alors, certains disent même, je n'ai pas très bien compris comment ils l'avaient mesuré, qu'il y avait plus d'informations qui avaient été diffusées au début des années 2000 que depuis l'invention de l'imprimerie par Gutenberg. Alors ça parle relativement, mais bon, là je me demande comment exactement ils ont mesuré ça. Mais bon, en tout cas, globalement, l'idée est vraie qu'il y a un développement exponentiel de cette information. Et l'autre caractéristique, c'est pas seulement le développement exponentiel de l'information, c'est ce que j'appellerais la révolution de l'offre sur le marché cognitif que constitue Internet. C'est qu'en réalité, contrairement à avant, le rôle des gatekeepers a été fondamentalement affaibli. N'importe qui peut développer une idée sur Internet, faire une proposition. Alors ça peut être évidemment des blogs, hein. Certains collègues ont compté le nombre de blogs qu'il y avait en France, et c'est considérable, hein. Je crois qu'on atteint 1 million, ou je ne sais pas, quelque chose comme ça. Je ne me rappelle plus, c'est Cardon qui a fait un livre qui s'appelle La démocratie Internet, qui a chiffré tout ça. Ce sont des chiffres absolument considérables, mais au-delà du blog qui nécessite tout de même d'être assez équipé d'un point de vue linguistique, culturel, prenez simplement sur Facebook l'expression minimum, je like, j'aime, qui est un mode d'expression minimum. Même si vous ne maîtrisez pas bien le langage, vous pouvez déjà vous exprimer, vous pouvez retranscrire des liens, une photo, etc. Il y a donc une révolution du marché de l'offre sur ce marché cognitif, qui peut être à peu près évalué par le nombre d'internautes. Alors ça va avoir un impact considérable, car auparavant, qu'est-ce qui pouvait se diffuser sur à quoi on pouvait avoir accès, grosso modo, avant Internet? C'était ce que nous donnait à lire les journaux généralistes. Et puis, si vous étiez vraiment croyant sur quelque chose ou militant de quelque chose, vous aviez des fanzines, c'est-à-dire des éléments de diffusion qui étaient très peu diffusés, en fait, et qui surtout existaient dans une zone d'étanchéité sociale. Il y avait très peu d'éléments de porosité entre ces cultures-là, qui étaient insulaires en quelque sorte. J'utiliserais cette métaphore de l'insularité culturelle. Aujourd'hui, là aussi c'est banal ce que je vais vous dire, avec Internet évidemment, tout ça est relativement brassé, mais il y a un élément qui est fondamental, c'est que dans le fond, ce n'est pas le nombre qui va compter. On pourrait dire, c'est bien, de toute façon, plus il y a d'informations, mieux c'est. Puisque dans cette information disponible, il y a la bonne information. C'est vrai qu'on utilise tous l'outil Internet, etc. Ce n'est pas du tout une charge contre Internet. J'utilise cet outil comme chacun d'entre nous. Mais pour en comprendre, en tout cas à titre provisoire, peut-être que les règles vont changer, mais pour l'instant, c'est en quelque sorte un marché totalement dérégulé. Et qu'est-ce qui fait la force de l'offre sur un marché qui est totalement dérégulé? Totalement, c'est peut-être un peu excessif, enfin largement plus dérégulé que le marché orthodoxe, disons, de l'information, c'est pas le nombre. On pourrait croire que c'est le nombre. Alors à ce moment-là, on pourrait croire que c'est profondément démocratique. On dirait, c'est bien parce que de toute façon, peu importe, c'est le nombre. Et enfin, justement, on va pouvoir donner la parole à des gens qui n'ont pas la parole, etc. Et c'est ce que disent ceux qui défendent l'idée que le développement d'Internet est profondément démocratique. Je dirais qu'il est profondément démocratique, du reste, j'accepte cette idée, en admettant l'idée que la démocratie souffrait d'un mal génétique au début même de son développement. Quand on lit les grands textes des orateurs de la Révolution française, on voit qu'il y a un certain nombre de revendications, qui sont donc profondément démocratiques, sans aucun doute, mais qui n'avaient pas les conditions techniques d'expression de leurs possibilités. En réalité, ça restait à l'aveu, enfin, à l'horizon de l'utopie, la notion de transparence, l'avoir accès à l'information. Ça, vous avez ça qui est déjà inscrit dans la constitution suédoise en 1766, par exemple. Mais évidemment, il n'y avait pas de conditions pratiques d'application, parce que qui allait aller chercher les données, etc., etc. En réalité, personne ne le faisait. Donc, ce n'est pas vraiment le nombre qui implique, mais la motivation des acteurs sur cet espace, dans cet espace. En d'autres termes, qui va occuper, sur certains sujets, une position oligopolistique, en tout cas en termes de visibilité, par rapport aux outils. Prenez l'outil Google, par exemple, le moteur de recherche, et ça va être ça simplement que j'ai travaillé pour faire une petite analyse de ce qu'on voit. Si on prend ce moteur de recherche, qui est le moteur le plus utilisé dans le monde, je ne pourrais ne pas dire de bêtises, et qu'on se fie aux données de Donard, par exemple, je crois, sur cette question, sur l'utilisation le comportement des internautes, on sait que généralement, quand on fait une recherche, on ne va pas au-delà des 30 premiers sites. Donc, on prend les 30 premiers sites et on se met dans la position de l'indécis. Parce qu'on peut se dire, dans le fond, on s'en fout que les croyants développent des oligopoles cognitifs sur le marché, qu'est-ce que ça peut faire. De toute façon, moi, j'y crois pas, ou lui, il y croit. Mais il y a toute une proportion de la population qui, sur plein de sujets, sont indécis, ne savent pas trop, on ne sait pas trop. Les ondes basse fréquence, par exemple, ce que j'évoquais tout à l'heure, est-ce que vivre près d'une antenne relais est cancérigène ou pas. Dans le fond, la plupart d'entre nous n'ont pas d'idée arrêtée là-dessus. Ils ont lu des articles, ils savent que certains scientifiques ne sont pas d'accord, ils ont l'impression qu'il y a une controverse scientifique sur cette question, c'est un peu confus. Et s'ils se servent d'Internet pour en savoir plus, avec un certain nombre de mots-clés qui pourraient être malheureux, sur quoi ils vont aboutir en fait? Ils vont aboutir sur cet oligopole cognitif qui est constitué par les croyants, qui dépend entièrement de la motivation des croyants, qui est généralement supérieure, je vais y revenir, à celle des non-croyants. On obtient, alors, pour qu'on ne se fâche pas, j'ai pris des sujets qui sont un peu folkloriques. Alors ça varie, bien entendu, c'est au moment où j'ai fait, peut-être que si on recommençait, on ne trouverait pas tout à fait ces résultats. Si vous prenez le nombre de sites par rapport pour Google sur les 30 premiers sites, sur alors, l'astrologie, monstre du Loch Ness, Crop Circle, vous voyez ce que c'est? Ce sont les grands cercles dans les champs de blé, là, dont certains disent que ce sont des pistes d'atterrissage extraterrestre ou autre chose. Psychokinèse, c'est pouvoir de l'esprit sur la matière, hein, capacité à faire bouger un objet par la pensée. Chacune de ces propositions sur le marché cognitif trouve une contre-proposition par l'orthodoxie de la science. Par exemple, on s'est vraiment intéressé de savoir s'il y avait un monstre du Loch Ness. Hein. On a fait des recherches, etc. Et en fait, on s'aperçoit que non, non seulement par visualisation, mais aussi ce serait probablement impossible. Vu la taille du monstre, il ne pourrait pas survivre en réalité. Moi, il y a toute une série d'arguments. Vous voyez que les scientifiques acceptent dans un certain nombre de cas de passer beaucoup de temps à faire cela, mais justement, peut-être pas assez. C'est un des éléments. Donc, vous voyez qu'en fait, si on tient compte des sites qui sont favorables à la croyance, des sites défavorables à la croyance, donc qui défendent, on va dire, l'orthodoxie de la science, puis alors il y a les sites neutres ou non pertinents. Non pertinents, par exemple, pour le monstre du Loch Ness, il y avait une bande dessinée, c'était Scooby-Doo contre le monstre du Loch Ness, considéré que c'était non pertinent, on ne peut pas rentrer ça. Donc, on enlève, et si on prend compte que les sites qui défendent donc une thèse ou qui infirment cette thèse, les sites qui vont sans doute séduire celui qui est l'indécis, qui a envie d'avoir un avis sur cette question, ben on s'aperçoit qu'en moyenne, 70 à 80% des sites défendent une thèse qui est favorable à la croyance. Et ça, c'est pas seulement vrai pour ces quatre exemples, c'est vrai pour ce qui est plus préoccupant, pour toute une série de croyances autour des technologies. Et alors je ne l'ai pas refait à Paris 7, mais à Strasbourg, mes étudiants travaillaient régulièrement là-dessus, y compris des étudiants chinois, où ils l'ont fait en langue anglaise aussi, parce qu'on peut se demander s'il y a des spécificités. On trouvait à peu près sur les crânes de cristal, sur toutes sortes de croyances un peu loufoques, on trouvait à peu près les mêmes résultats. Et en fait, c'est une expression, je pense que c'est une illustration du paradoxe d'Olson, tout simplement. Vous vous rappelez le paradoxe d'Olson, en quoi il consiste? C'est tout simplement, il y a des individus qui auraient intérêt à faire quelque chose, mais ils ont surtout, mais comme chacun, si on obtient gain de cause, va bénéficier de l'avantage acquis, on a tous intérêt à laisser faire les autres. On voudrait bien bénéficier de l'avantage, mais comme le fait de lutter pour obtenir cet avantage représente un coût, eh bien, on a tendance à dire, c'est la stratégie de laisser faire, je vais laisser faire les autres et puis je vais bénéficier de cet avantage collectif. Et dans un certain nombre de cas, qu'est-ce qui se passe? Il ne se passe rien. C'est-à-dire que personne ne fait rien et chacun attend que l'autre agisse dans cette direction. Alors pourquoi je parle du paradoxe d'Olson dans ce cas de figure? Parce que Olson a développé ensuite en montrant que... Son nom m'échappe. Tyrannie des petites décisions. Thomas Schelling a montré des choses assez proches aussi en montrant comment un petit groupe peut en fait, s'il est motivé, diriger un grand groupe mou en quelque sorte, pourtant qui désapprouve ce qui se passe globalement. Je pense que ces résultats sont évidemment pas du tout représentatifs, c'est pas du tout un sondage, etc. D'ailleurs, on le sait parce que sur certaines questions, là par exemple sur l'astrologie, on a quand même 28-1, ce qui nous amène à plus de 90%. Hein. Donc on sait très bien, on a des sondages, les Français croient plutôt à 30%. À l'astrologie, à la capacité de l'astrologie à nous dire l'avenir ou à décrire la personnalité. Donc ce n'est pas du tout un sondage représentatif, ni des Français en général, ni même du rapport de force des internautes en particulier, mais bel et bien de la motivation d'un certain nombre de porteurs de croyances qui ont un intérêt à développer des blogs, à développer des argumentaires en faveur de telle ou telle théorie. Par exemple, on peut regarder, pour tester cette hypothèse, c'est ce que j'ai fait, on regarde les forums, où là, il y a des échanges entre croyants et non-croyants, et on s'aperçoit en fait que les croyants ont généralement trois fois plus d'arguments que les non-croyants. Ce qui peut sembler paradoxal, mais parce qu'ils sont motivés, alors ils ont des liens, ils ont lu des trucs, ils avancent, et les non-croyants, assez typiquement, ils disent, ils mettent des smileys du genre « tu es fou », ils haussent les épaules, etc. Mais en fait, ils s'en foutent, ils n'ont pas vraiment d'arguments. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas envie de consacrer, on les comprend, c'est pas, ils n'ont pas envie de consacrer du temps à démentir cela. Bon, il n'y a pas de, je comprends parfaitement, en particulier ceux qui seraient aptes à développer facilement des argumentaires que sont par exemple ceux des sciences dures, qui n'ont aucun intérêt académique à le faire, et pour qui ça représente du temps, et même éventuellement s'intéresser à ça, ça peut représenter une forme de disqualification institutionnelle. Donc on comprend que cette situation est un peu paradoxale, comment les croyants ont réussi à instaurer sur un certain nombre de sujets des formes d'oligopole cognitif. Alors vous allez me dire, encore une fois, c'est pas très grave. Oui, sauf que quand l'individu est indécis, et sachant qu'on utilise de plus en plus Internet pour avoir des informations, on peut supposer, mais c'est qu'une hypothèse, que à terme ça crée des zones de porosité entre des éléments argumentatifs qui auparavant étaient confinés dans des formes de radicalité politique, par exemple extrême gauche ou extrême droite, je pense notamment au conspirationnisme, c'est caractéristique de l'extrême gauche ou de l'extrême droite, mais qui par des éléments de ce genre, diffusent, essaiment en quelque sorte, peut-être pas l'intégralité de la thèse, mais il suffit qu'un argument porte, je vais y revenir, pour semer le trouble, pour faire dire à certains de nos contemporains, tout n'est peut-être pas vrai, mais tout n'est peut-être pas faux. Et à partir du moment où on rentre dans cette hésitation, la porte est ouverte. L'objection qu'on pourrait peut-être faire, c'est que ce sont peut-être les croyants qui regardent ces sites et pas les non-croyants. Oui, mais ça, effectivement. Et donc, ce ne serait pas un oligopole. Comment ? Et donc, ce ne serait pas un oligopole. Ah, mais moi, je me suis simplement fondé sur cette hypothèse qu'un individu se sert de Google pour avoir une information sur le sujet. Oui, mais donc, moi, je ne cherche pas d'informations sur l'astrologie, par exemple. Mais parce que toi, Olivier, tu ne fais pas partie de ces indécis dont je parle. Ah, les indécis. J'ai bien précisé que la question me semblait préoccupante pour les indécis. Mmh. Évidemment. Et même moi, je vais consulter selon ces sites, puisque c'est mon business. Et je peux vous assurer que ça ne me convainc pas. Je sais bien qu'on n'est pas convaincu comme ça par un argumentaire. Non, je parlais bien du cadre des indécis. Et ces indécis sont bien confrontés à un oligopole cognitif. Quand il rentre, il y a une domination d'un système argumentatif sur un autre. Alors, je pense que sur les crop circles et le monstre du Loch Ness, ça n'a pas beaucoup d'importance. Peut-être plus préoccupant, compte tenu des sondages récents que vous avez peut-être vus, les thèmes conspirationnistes, ou voire des thèmes populistes, ou etc., qui semblent quand même essaimer. Ça, ce n'est pas une vue de l'esprit. Évidemment, cette situation d'Internet, mais aussi les médias traditionnels dans un système de concurrence qu'ils n'ont jamais connu. On connaît tous, ça aussi c'est un peu une tarte à la crème, on sait tous que les médias, et ça c'est une condition essentielle de la vie démocratique, il y a une concurrence entre les émetteurs de l'information. On n'a jamais vu un État démocratique avec une seule source. Enfin, il y a des États qui se sont fait appeler démocratiques et qui avaient un seul journal, mais on sait bien qu'entre nous c'était un peu de la blague. Donc on peut supposer que la fiabilité de l'information, elle est croissante en fonction de la concurrence. Plus il y a de sources d'émissions d'information, plus on peut se dire qu'à un moment donné, c'est favorable à la fiabilité de l'information. Je dirais oui jusqu'à un certain point. Ça a été valable historiquement, précisément, jusqu'à peut-être l'apparition de la sphère Internet qui crée une pression concurrentielle absolument inédite dans l'histoire de l'humanité sur le marché de l'information. Cette pression concurrentielle, on la mesure, y compris dans la contamination de certains thèmes, de certains traitements de thématiques qui n'étaient pas traités auparavant et qui sont maintenant traités par la presse orthodoxe. Je dirais, prenez par exemple le développement, ça c'est Guillaume Erner qui l'a montré, le développement du traitement des faits divers dans un journal comme Le Monde, qui ne le traitait pas auparavant. Et prenez l'information People, qui n'était pas traitée auparavant. Le cas récent et malheureux de Nabila, par exemple, a donné lieu dans Libération, il y a quelques jours, un article, évidemment sur le mode de l'ironie, sur ce que vous voulez. Prenons un autre exemple qui me semble beaucoup plus intéressant, qui est celui du pasteur Terry Jones. Terry Jones, il y a quelques années, avait eu l'idée, qui peut sembler saugrenue, en tout cas qui était dangereuse, de brûler des Corans. C'est un Américain qui voulait brûler des Corans le 11 septembre pour célébrer, etc. C'est un acte de provocation. Ce type-là, c'est un pasteur qui a eu d'ailleurs qui allait en Allemagne, qui a eu beaucoup de problèmes. Sa moralité semble pas exemplaire, mais en fait ça n'a pas d'importance. Il veut donc brûler des Corans, et il y a à peu près une vingtaine de personnes qui le suivent. Est-ce que c'est une information intéressante? Est-ce qu'il faut la traiter mondialement? Eh bien, elle a été traitée mondialement. Qu'est-ce qui s'est produit? C'est assez simple de remonter le fil. Il a fait une page Facebook. Il a eu tout de suite des milliers de fans qui ont approuvé l'idée de brûler des Corans. Ça leur semblait bien. Et ensuite, eh bien, il a eu un reportage dans Fox News, une chaîne dont vous connaissez la sensibilité. Et évidemment, c'est un bon client. Voilà, là, on crée de l'information. Et ça s'est répandu partout dans le monde, pour reciter encore une fois Libération, qui n'est pas comme dirait, susceptible d'avoir des sympathies pour ce genre de personnage. Il lui a quand même accordé deux pages, pareil, sur le mode de l'étonnement. Mais en fait, voilà comment une non-information devient une information traitée par la presse orthodoxe, alors qu'auparavant, je suis à peu près sûr que dans les années, à la fin des années 80, on n'aurait jamais entendu parler de Terry Jones. Bon, peu importe, il se trouve qu'il y a eu des conséquences en plus assez dramatiques, puisqu'il y a eu des manifestations en Afghanistan, etc., avec des blessés, je crois même des morts, mais ça, c'est pas vraiment le cœur du problème. Le cœur du problème, c'est que vous voyez bien qu'il y a toute une série de sujets qui sont traités d'abord dans la sphère hétérodoxe de l'information et qui contaminent la sphère orthodoxe. Prenez par exemple l'affaire des tromperies présidentielles entre Nicolas Sarkozy et Carla Bruni. Jamais, d'abord en l'occurrence c'était faux, pour ce qu'on peut en savoir, mais jamais la presse orthodoxe aurait traité ce genre de questions. C'était même toujours interdit, songez à l'affaire Mitterrand et à sa fille illégitime, on s'était toujours interdit de traiter ces infos. Paris Match a traité cette info que quand François Mitterrand était d'accord, il a donné son accord, c'est ce que l'histoire raconte. Mais là, en quelques jours, il y a eu un certain nombre de tweets, etc., de rumeurs qui se sont développées, de sorte que la presse, la radio et même la télévision ont traité cette histoire, d'abord de façon implicite, puis de façon explicite. On voit donc comment il y a une contamination d'une sphère par l'autre. Par ailleurs, cette contamination, elle a d'autres symptômes. Prenez maintenant le fait que les journalistes savent, article par article, c'était impossible auparavant, le nombre de clics, de likes, de retweets qu'ils ont. De likes sur Internet, de partages. C'est tout à fait humain d'être sensible à ça. Je veux dire, tous ceux qui sont sur Facebook aiment quand on like ou quand on partage une information qui nous paraît importante, surtout quand c'est soi-même quand on l'a écrit soi-même. Mais peu à peu, j'en ai parlé avec beaucoup de journalistes, ils se savent sensibles à cette question et ils reconnaissent que cette disposition pourrait bien creuser, parce que qu'est-ce que c'est quand une offre s'indexe sur une demande supposée ? En politique, ça s'appelle de la démagogie, ou du populisme dans le pire des cas. Donc ce qui peut être craint à un moment donné, compte tenu de l'affaiblissement des gatekeepers, de la contamination par le marché hétérodoxe d'information, c'est une forme de démagogisme cognitif, c'est-à-dire que le journaliste peut remarquer qu'un thème va marcher plus qu'un autre. Je ne vais même pas dire qu'il en prend la décision consciente, je ne sais pas comment cette contamination peut se faire, mais on peut supposer qu'il ne va peut-être pas être indifférent à cela. Vous savez qu'aujourd'hui en Angleterre, par exemple, les journalistes sont presque tous obligés d'avoir un compte Twitter, hein, ça devient une obligation professionnelle. Donc nous, on n'est pas encore trop touchés par ça dans notre sphère d'exercice, mais il y a beaucoup de professions qui sont touchées par ça, combien vous avez de followers, etc., etc. Et donc, cela crée aussi, évidemment, cette pression concurrentielle. C'est une diminution du temps de vérification de l'information. Ça a toujours été vrai, puisque c'est la recherche du scoop, si vous voulez, ça a toujours été vrai pour la presse en concurrence en général. Donc il y a des tas de cas, prenez l'affaire Baudis par exemple, qui est quand même un peu antérieure à cette explosion Internet. C'est une affaire extrêmement malheureuse, où on a dit que Baudis avait violé avec Allègre, un tueur en série, des enfants, des prostituées, etc. Vous rappelez de cette sombre histoire? Alors là, dans laquelle presque toute la presse, c'est par ce qu'on appelle un effet de cascade, c'est engouffré. Donc, il y a des cas de figure qui précèdent cette révolution sur le marché cognitif, mais la pression concurrentielle augmentant, le temps de vérification de l'information, évidemment, il diminue. On a des tas de cas où il y a une dépêche de l'AFP, songez par exemple très récemment à la libération des otages qu'on attendait, qui a été annoncée par tous et qui s'est retrouvée infirmée dans les quelques heures qui ont suivi. Cette pression concurrentielle, donc, elle est particulièrement dommageable quand il s'agit d'informations techniques. Parce qu'il y a là une grosse disjonction entre le temps, la temporalité de la science, je dirais la temporalité du traitement de l'information. C'est un des éléments qui me paraît inquiétant, c'est par exemple l'embouteillage des peurs, l'embouteillage des alertes, hein, parce qu'on a en plus on a anobli récemment le fait de donner des alertes, hein, par une loi. Donc l'embouteillage des alertes crée quoi ? Bah, tout simplement, elle crée des suspicions, on dit mieux vous prévenir que guérir. Le problème, c'est que pour répondre à une suspicion qui porte, par exemple, je ne sais pas moi, sur cette matière-là, etc., la science va avoir besoin, pour apporter des réponses à peu près équilibrées, peut-être pas définitives, de mois généralement, voire d'années dans un certain nombre de cas. Donc évidemment, toutes ces alertes créent un embouteillage, des craintes, qui ne sont pas forcément mémorisées par nos concitoyens, mais qui créent une impression de malaise. L'idée qu'on vit dans un environnement qui est contaminé, dont l'air s'est contaminé. Quand même, je crois qu'il y a 63% de nos concitoyens qui sont persuadés, ou qui déclarent en tout cas dans les sondages, qu'il est aussi dangereux de respirer l'air des villes que de fumer. C'est quand même une aberration, évidemment, sanitaire. Et d'ailleurs, ça pourrait aussi avoir des conséquences sanitaires. C'est-à-dire que les gens pourraient se dire, bah, puisque je vis dans une ville, autant que je fume, parce que ça ne change rien. Ouais, on peut parfaitement se convaincre de choses comme ça. On observe quand même une baisse de la couverture vaccinale, par exemple, en particulier sur la rougeole, l'hépatite, etc. On voit bien que sème un certain nombre de croyances qui, encore une fois, étaient auparavant confinées dans des espaces de radicalité. Hein. Ces méfiances, elles ont toujours existé. Mais là, on voit vraiment qu'un certain nombre de thèmes SM et puis ont des conséquences pratiques. Donc, je dirais, sans que ça c'est vraiment à titre d'hypothèse, hein, c'est absolument, je pense, indémontrable, je suis intéressé de voir si on peut le démontrer, on a l'impression que les choses se produisent comme ça, c'est-à-dire que le niveau de concurrence est favorable dans un premier temps à la fiabilité de l'information, et à partir d'un certain niveau, cette fiabilité, elle tente à décroître. Bon, c'est comme ça que je vois métaphoriquement les choses, parce que, encore une fois, on ne peut pas bien devant la fiabilité de l'information, il faudrait faire toute une série de mesures. Je crois que c'est un peu difficile, mais c'est un peu comme ça que c'est cette métaphore que j'utiliserai pour rendre compte de la situation, j'ai l'impression qu'il est en train de se profiler aujourd'hui sur ce marché. Le deuxième point, donc j'en ai parlé, c'est celui de la rapidité. Rappelez-vous, j'avais parlé des gatekeepers. Donc là, le deuxième point, c'était la lenteur de la diffusion des produits. Aujourd'hui, bah, grâce à Internet, encore une fois, un certain nombre de faits d'actualité ou de personnalités qui ne sont pas forcément très connues peuvent susciter par une action un cortège de rumeurs. Tout simplement parce que la réactivité sur Internet est beaucoup plus grande. Et quand vous êtes tout seul à vous dire « Tiens, le tremblement de terre d'Haïti, c'est bizarre. Je suis tout seul à dire ça. » Et sachant que 95% des gens autour de moi ne vont pas trouver ça spécialement bizarre. C'est un tremblement de terre, c'est bien malheureux, il y a des milliers de morts, mais ce n'est pas spécialement étrange. Mais si je trouve les 5 autres %, puisqu'Internet me permet de m'affranchir des conditions territoriales et des conditions géographiques. Si je trouve un certain nombre d'individus, notamment sur des sites spécialisés, comme des sites conspirationnistes, comme Boulevard Voltaire, ou le Cercle Voltaire, ou je ne sais pas quoi. Enfin, il y a, vous savez, le site de Thierry Messant qui est assez connu. Je ne me rappelle plus comment, parce qu'il y a Boulevard Voltaire là, qui vient de sortir, mais c'est autre chose. Bref, peu importe. Vous trouvez là donc des modes d'expression et vous allez pouvoir chercher l'information. Prenez par exemple, si vous servez de l'outil que propose Google, qui s'appelle Google Trends, qui vous permet d'évaluer le nombre de recherches sur un thème. Qu'est-ce qu'on cherchait tel jour, et vous pouvez même faire région par région, c'est absolument passionnant comme outil. Alors il y a plein de choses à dire, mais ça donne des indications. Quels sont les thèmes qui sont recherchés, par exemple, après le tremblement de terre d'Haïti? Est-ce qu'on voit une progression de la demande concernant ARP? Qu'est-ce que c'est ARP? Là, je dois quand même faire une parenthèse pour vous expliquer. ARP, c'est donc un acronyme qui est assez intéressant parce que c'est un marqueur de conspirationnisme. Les conspirationnistes, certains d'entre eux, pensent que c'est une arme de guerre américaine qui peut provoquer des tremblements de terre, ou voire modifier la météo, ou des choses comme ça. C'est, en effet, ARP, ça existe, hein, c'est en fait une recherche de l'université d'Alaska, effectivement conjointement avec les militaires, sur la ionosphère et la capacité de faire passer des messages plus rapidement. On ne va pas vous raconter les détails techniques, mais a priori, ça n'a rien à voir avec une arme sismologique ou quelque chose de ce genre. Peut-être que je me trompe, mais à ma connaissance, une telle arme n'existe pas. Aujourd'hui, à chaque fois qu'il y a un tremblement de terre, vous voyez une progression de la demande ARP. Donc en fait, cette progression qui finit par diminuer, hein, vous le voyez très nettement, vous voyez, et que cette progression elle est donc corrélée en quelque sorte à la demande. Donc là, vous avez le tremblement de terre d'Haïti. Les demandes en noir, c'est les demandes concernant d'informations par Google concernant le tremblement de terre d'Haïti. C'est-à-dire tous les internautes qui ont tapé tremblement de terre d'Haïti. Donc là, on est dans la sphère francophone. Hein. On aurait pu faire la même chose avec la sphère anglophone, ça marche aussi. Et puis, vous tapez simplement ARP. Parce que comme c'est un acronyme qui est vraiment bizarre, il ne peut pas être utilisé vraiment pour autre chose. Donc c'est pour ça que c'est un marqueur intéressant. Parce que si l'acronyme c'était poison, par exemple, ça ne veut pas dire grand-chose. Poison, ce n'est pas forcément lié à des questions sismologiques. Donc là, vous voyez que un jour après le pic de la demande, vous avez une demande de ARP. Et vous voyez que d'ailleurs que la demande de ARP, elle est supérieure à la demande. Et puis elle finit par se rétablir au mois de février. Pendant 2 mois, il y a un pic de demande concernant cette arme sismologique dont posséderaient les Américains. Et vous pouvez faire ça, vous pouvez prendre, quand vous avez des bons marqueurs, vous pouvez voir qu'en fait le temps de réactivité de la sphère Internet est incroyablement rapide, quoi, tout simplement. Prenez les attentats de Boston, par exemple. Ils sont survenus il y a quelques semaines, vous vous en souvenez. Le jour même, sont apparus 4 éléments, on a dit 4 théories du complot, mais ce n'est pas vrai, 4 éléments favorables à la théorie du complot. En tout cas, qui étaient donnés comme des éléments de suspicion. Par exemple, et toujours grâce à cette massification de l'information, le fait qu'on ait des prothèses visuelles, par exemple, avec les téléphones, on a repéré qu'au moment de l'explosion, il y avait quelqu'un, une silhouette sur le toit. Ça n'a aucun rapport, a priori, mais voilà, c'était donné comme un élément de suspicion. C'est bizarre. On a remarqué qu'un jeune homme qui a eu les 2 jambes arrachées, dont l'image terrible a fait le tour du monde, ressemblait à un militaire qui avait eu les 2 jambes arrachées en Afghanistan. Donc, affirmaient certains, je trouve ça facilement hein, sur ce que je vous dis. Donc, affirmaient certains, c'était un comédien en fait. Du coup, c'était ce militaire-là qu'on avait mis là. On ne comprend même pas pourquoi, parce que pourquoi mettre un. Il suffit de mettre une bombe, enfin, qui est là. Mais peu importe, vous voyez que peu importe la consistance logique des arguments qui sont évoqués, ce qui compte, c'est d'ajouter un certain nombre d'arguments aux arguments pour créer un sentiment de suspicion en disant cette histoire, elle n'est pas claire. Alors, la rapidité du traitement. Donc, je vais y revenir sur la somme des arguments. La rapidité du traitement de l'information, elle est fondamentale parce que ça permet quantitativement de faire émerger des nouvelles croyances. C'est-à-dire, en fait, c'est une forme d'incubateur de mythologie contemporaine parce que toutes ces croyances que j'évoquais tout à l'heure, qui ont peut-être été développées au coin d'un zinc, dans un café, en disant « ouais, ça me semble bizarre, les Américains, le tremblement de terre », et puis comme dans une semaine, vous voyez bien que l'intérêt pour le tremblement de terre d'Haïti, il diminue extrêmement vite. Il y a une forme de saturation du marché de l'information, on passe l'actualité chassant une autre, on passe vite, on voit sur l'intérêt des internautes, très vite, ça ne les intéresse plus. Quoi. Donc on peut supposer qu'en un autre temps, je fais cette hypothèse, peut-être que ce genre d'hypothèse serait survenu, encore que, il faut encore que les gens aient connaissance de ARP et ce genre de possibilités, mais ils pourraient dire, ouais c'est bizarre, les Américains sont venus prêter main forte assez rapidement, ça les arrange peut-être géopolitiquement, il y a toujours une... C'est comme, j'explique, quand vous discutez avec un physicien, que vous n'êtes pas d'accord avec lui, au bout d'un moment, il vous sort la physique quantique. Et vous ne pouvez plus rien faire. C'est fini, c'est l'argument, c'est l'ultime ratio du physicien. Comme on n'y comprend rien, enfin comme moi j'y comprends rien, évidemment, vous dites, bon, ben, vous baissez la tête. Hein, ben, si ça ne marche pas comme ça en physique quantique. Et alors, avec les conspirationnistes, c'est un autre type, je ne compare pas du tout les 2 catégories sociales. Les conspirationnistes, c'est l'argument géopolitique. Il y a toujours un avantage géopolitique à faire quoi que ce soit. Vous éternuez, il y a un avantage géopolitique. Donc là, en l'occurrence, peut-être que ce type de théorie aurait pu émerger, mais elle serait probablement mort-née. Elle n'aurait pas eu le temps, si vous voulez, de s'agréger en quelque sorte. Donc je fais l'hypothèse que la rapidité du traitement de l'information et de l'incubation, en quelque sorte, des arguments, elle fait émerger et perdurer, elle donne une pérennité à des éléments cognitifs qui auparavant auraient été évanescents. Auraient probablement existé, mais par une sélection un peu darwinienne, comme ça, auraient disparu sur le marché. Et il y en a toute une série d'exemples, évidemment, puisque même des faits qui vont peut-être vous paraître importants, mais qui sont quand même des micro-faits pour l'opinion publique française, ont suscité des rumeurs, alors que ça n'aurait probablement pas été le cas, enfin des rumeurs publiques, bien entendu. Prenez la mort, par exemple, de Richard Descoings, l'ancien directeur de Sciences Po, un personnage important dans notre communauté, mais autant dire que l'opinion publique française, enfin les Français ne connaissaient pas du tout Richard Descoings, en moyenne, je ne vais pas faire un sondage de notoriété, mais voilà quelqu'un qui n'était pas au niveau de la flottaison de notoriété qui aurait suscité l'agrégation de croyances. Bien, vous retrouverez sur sa mort toute une série de croyances qui lient d'ailleurs sa mort à l'affaire DSK, la femme blonde qui aurait visité DSK, enfin, je je passe les détails, les délires. Évidemment, là, on est dans l'hilarité. Hein. C'est pas des produits qui ont une grande performance sur le marché. Mais par contre, ce sont des indices de comment ça fonctionne. Ça, parce que ça fonctionne, là, ça va pas marcher. Mais pour d'autres choses, ça aura beaucoup plus de, succès. Et enfin, le dernier point, pour qu'on ait le temps de discuter, que j'ai évoqué. Encore une fois, j'ai décidé de ne pas faire quelque chose d'exhaustif. Hein. Vous avez bien compris, j'ai pris trois points qui me semblent intéressants. Et celui-ci est absolument important, c'est la question de la labilité. Hein. Vous vous rappelez que tout à l'heure, je vous ai dit que le problème, c'est que par le bouche à oreille, il y avait un obstacle cognitif, c'est-à-dire qu'il est d'abord mnésique. On ne peut pas retenir des histoires trop longues et surtout, on ne peut pas retenir beaucoup d'arguments. Si on se fie simplement aux travaux, vous savez, de Miller, qui sont fort connus sur cette question, dans la mémoire à court terme, on retient 7 éléments, plus ou moins 2, comme dit le titre de son article, plus ou moins 2. Bon, on est incapable de développer, donc, surtout quand le sujet ne nous passionne pas forcément, de mémoriser des argumentaires très développés. Bon, donc les croyances, sauf quand elles donnaient lieu, ce qui était le cas dans certains cas, donnaient lieu à des livres, par exemple, livres conspirationnistes, bien entendu, ça n'a pas attendu la révolution Internet pour se faire, mais sauf dans ces cas, et ces livres, encore une fois, étaient confinés dans des espaces sociaux d'insularité, ce que je disais tout à l'heure, eh bien, la plupart du temps, ces croyances ne se développaient pas, elles mouraient en raison du sujet qui disparaissait, ou quand elles se développaient sur des marques très connues et avec des croyances très minimum. Par exemple, Elvis Presley, comme vous le savez, n'est pas mort, pour certains. Bien sûr que non. Alors, Elvis Presley n'est pas mort, mais pourquoi? Est-ce que vous connaissez des arguments qui expliquent pourquoi il n'est pas mort et comment? Probablement pas. Enfin, c'est quelque chose qu'on se disait par le bouche à oreille, et vous avez assez peu d'arguments. Par contre, Michael Jackson n'est pas mort. Là, je suis allé chercher en détail, et vous trouvez là des dizaines d'arguments qui vous démontrent que Michael Jackson n'est pas mort. Grâce entre autres à cet effet de transparence que créent tous ces portables, etc. C'est-à-dire qu'on l'a vu sur le brancard bouger un peu la main, etc. Il y a des croyances comme ça qui se sont développées, rappelez-vous, pour les Beatles notamment. Paul McCartney était censé, lui, être mort. Alors, c'était l'inverse, il était censé être mort. Vous avez entendu parler de ça, la couverture de Sgt. Pepper, etc. Alors, vraiment, les spécialistes des Beatles connaissaient les arguments, parce qu'ils étaient extrêmement motivés. Mais la plupart de la population n'a juste retenu que, sans doute, Paul McCartney était mort et on l'a remplacé par un sosie ou quelque chose comme ça. Le hasard fait que ce sera peut-être un des derniers Beatles vivants, mais ça, c'est l'ironie du sort. Tout à fait préoccupant, parce que Michael Jackson n'est pas mort, Barack Obama a été téléporté sur Mars dans sa jeunesse. Ça sont des croyances, par exemple, qui ont donné lieu à un démenti officiel de la Maison Blanche. désolé, mais c'est comme ça. Ça, c'est amusant, c'est folklorique. Beaucoup moins folklorique, vous avez compris, sont les croyances technophobiques, notamment. Certaines sont fondées, d'ailleurs, et d'autres pas. En tout cas, dans l'état actuel de la connaissance. Et évidemment, je garde la cerise sur le gâteau, la meilleure part du gâteau, qui est les conspirationnistes du 11 septembre, qui me semble être un cas tout à fait intéressant. Pourquoi? Parce que voilà un fait historique qui émerge au moment de l'explosion d'Internet. Hein. En 2001, ça commence à se diffuser, donc c'est vraiment une mythologie qui est corrélée, concomitante au développement d'Internet. Et là, j'ai demandé à une de mes étudiantes d'étudier simplement les arguments en faveur de l'idée donc, selon laquelle, je vous dis pour ceux qui ne connaîtraient pas cette théorie, l'idée selon laquelle c'est la CIA qui aurait fomenté ces attentats et non pas, et le Mossad bien sûr, et non pas Al-Qaïda comme le dit la version officielle. Bon. Mais ne croyez surtout pas, parce que dans mon esprit, vous l'aurez compris, crédulité et bêtise ne sont pas du tout associées. Hein. Ne croyez surtout pas que je parle d'individus que je ris un peu, je fais un peu des blagues et tout, mais en réalité, ils sont généralement très bien équipés intellectuellement. Ce n'est pas du tout des idiots. Vous feriez, à mon avis, une erreur considérable à mettre ces éléments sur le compte de la bêtise. Parce que d'abord, même statistiquement, ce n'est pas vrai. Et puis ensuite, si on soulève le couvercle, on s'aperçoit que ce sont des propositions qui sont extrêmement performantes d'un point de vue argumentatif. En l'occurrence, pour les théories du 11 septembre, elles sont fondées sur une centaine d'arguments techniques. Et dont chacun peut paraître, s'il n'a pas de contradiction, enfin, peut-être pas chacun, mais un certain nombre peuvent paraître assez convaincants. Comme par exemple, on prendrait un seul exemple, cet argument qui dit que les colonnes d'acier qui soutenaient les Twin Towers n'ont pas pu fondre sous l'impact de l'avion. Parce qu'il faut à peu près 1200 degrés, je crois, à Celsius, pour que ces colonnes fondent. Or, l'avion, avec son kérosène, ne peut atteindre que 700, 800 degrés ou 900 degrés, quelque chose comme ça. Bon. Or, les Twin Towers se sont effondrés. On l'a bien vu, presque étage par étage. Et ça, ça ressemble beaucoup aux façons enfin, à ce qu'on voit, ce qu'on a tous vu de temps en temps, au moins à la télévision, quand on détruit des immeubles. Vous savez, on les dynamite. Donc, ça veut dire, c'est pas les avions. Ils remettent pas en cause. Il y en a qui disent que ce sont des hologrammes, hein, les avions, mais là, c'est vraiment des radicaux. Mais la plupart ne disent. Il y en a hein, qui défendent cette thèse, mais ça, c'est pas, je dirais, ça, là, on est. Par contre, on est peut-être dans la bêtise ou dans la quasiment de la folie. Mais le plus gros des troupes ne prétend pas ça. Non, le plus gros des troupes dit il y a eu des avions, mais en réalité, c'est pour faire croire justement que c'était Al-Qaïda. En réalité, la CIA avait plombé de dynamite, de je sais pas quoi, de TNT, les bases des Twin Towers, et pour ça qu'elles se sont effondrées. Bon, que répondre à cet argument qui est assez convaincant s'il n'y a pas de contre-argument? Puis même si vous n'êtes pas convaincu par cet argument, vous dites ouais, c'est bizarre, faudrait voir. Mais si on vous en ajoute 100 autres? Là, vous commencez à dire, bon, ok, il y a des trucs qui sont loufoques, mais peut-être que tout n'est pas faux. Peut-être que tout n'est pas faux. Peut-être qu'on nous cache. Et puis, dans l'histoire, on nous a déjà caché des choses. Les complots, ça a existé, etc., etc., etc. Donc, en fait, évidemment, rassurez-vous, à ma connaissance, chacun de ces arguments peut être facilement démenti par, c'est ce que notamment Jérôme Kiran a fait sur la question des... La structure, en fait, grosso modo, une structure d'acier comme celle-ci, certes, elle ne fond pas, mais elle perd 90% de sa solidité, en quelque sorte, sa résistance à ces températures-là. Donc, il est normal qu'elle se soit effondrée étage par étage, exactement comme elle l'a fait. Bon, puis il y a toute une série donc, d'arguments. Donc, ce qui est tout à fait nouveau, ce qui n'existait pas par le bouche à oreille, c'est qu'on a en quelque sorte, une sédimentation argumentative. On crée des millefeuilles argumentatifs que je propose d'appeler des produits fortéens. Alors je rends ainsi hommage à quelqu'un à qui je devrais sans doute pas rendre hommage. C'est un drôle de personnage, Charles Fort, que vous connaissez probablement pas. Charles Fort a écrit au début du XXe siècle un livre qui s'appelait Le Livre des Damnés. Il a écrit 4 livres, mais Le Livre des Damnés, c'est vraiment le livre qui est le plus connu. Et son ambition était d'apprendre l'intégralité des sciences en 7 ans. C'était un autodidacte, hein. Il n'y a que les autodidactes qui peuvent avoir ce genre d'idées saugrenues. Et il avait inventé un jeu d'échecs avec 200 pièces. Enfin, vous voyez, le genre de... Apparemment, ceux qui l'ont connu disaient que c'était un type assez brillant. Enfin, mais il avait des idées loufoques, comme par exemple démontrer que la Terre était plate. Et ce qu'il voulait faire, c'est pour ça que je pense que c'est un des premiers grands relativistes du XXe siècle. Donc il n'a pas eu de rôle, en fait, sur l'épistémologie, parce que c'était un loufoque, mais ses livres ont quand même bien marché à l'époque. Mais par contre, en termes historiques, je pense que c'est quand même un des grands premiers, parce qu'il a eu cette idée géniale de retourner, en fait, ce qu'il croyait être la façon de faire de la science contre elle-même. C'est-à-dire, il s'est dit, ah, vous voulez des arguments, ben, je vais vous en apporter des arguments. Il y a même un très beau texte de lui où il dit, je vais déchaîner contre vous des morts vivants, des fantômes, des arguments très forts, des choses pourries, peu importe. Pourvu que l'ensemble donne une impression de véracité. Hein. C'est le millefeuille. Chaque étage est très douteux, mais l'intégralité de cette construction constitue une intimidation argumentative. C'est-à-dire que si vous voulez aller défaire ce travail-là, par exemple le 11 septembre, si vous voulez aller défaire les arguments du 11 septembre, il faut y consacrer votre vie, quasiment. Parce que moi, je ne suis pas prêt à faire, par exemple. Vous voyez. Mais, donc... propose d'appeler ça des produits fortéens parce que précisément c'est lui un des premiers qui a mis comme ça, il avait ce qu'il appelait le sanatorium des coïncidences exagérées. Sa grande passion c'était de collectionner toutes sortes de coïncidences, de faits divers dans les journaux. Il essayait de relier ça à une méta-théorie du monde qui était loufoque mais qui à la fin paraissait convaincante. Et d'ailleurs il a inspiré par exemple en France Bergier et Powells, dont vous avez peut-être lu Le Matin des Magiciens. Le Matin des Magiciens, c'était exactement ça. Victor Stokowski a beaucoup travaillé sur ces structures argumentatives et il démontre qu'il y a, par exemple, dans Van Däniken, ou quelqu'un qui essayait de démontrer que la civilisation humaine a été fondée, en fait, par les extraterrestres. Ça, c'est pas Raël qui a inventé ça. Ce sont des théories assez anciennes. Et il a invoqué 64 arguments techniques différents, certains relevant de l'archéologie. Donc, comment voulez-vous faire, vous? En tant que citoyen, d'abord, vous n'avez pas que ça à faire. Donc, je parle de mes concitoyens, vous n'avez pas que ça à faire. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour contrer ça? Comme vous n'êtes pas tellement motivé, on retombe à la situation que je vous ai dit tout à l'heure. Vous ne croyez pas, vous vous haussez les épaules, mais l'autre a beaucoup plus d'arguments que vous. Et un troisième qui va vous écouter et qui ne sait pas, va en toute rationalité dire le premier, le croyant, est plus convaincant que le non-croyant. Il serait presque irrationnel de raisonner autrement, puisque celui qu'on entend n'a pas d'argument. Bon, et puis je peux vous dire qu'en termes de motivation, je terminerai là-dessus, ils sont très motivés, les conspirationnistes du 11 septembre, c'est-à-dire qu'en ce moment, je peux vous dire, ils sont après moi, par exemple, et ils font un harcèlement constant. M'étonne que tu n'aies pas reçu un mail. J'ai reçu un mail là-dessus. Ah ben voilà, donc je peux te dire qu'ils sont extrêmement motivés, ils ne me lâchent pas, où que j'intervienne. Je suis précédé d'un cortège de mails mettant en garde contre... ils ont dit que j'étais le côté obscur de la sociologie. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc c'est bien ça. Le côté obscur de la force, c'est le côté obscur. Donc, je suis content que tu l'aies reçu pour que chacun voit que je n'invente pas ces situations. Donc qu'est-ce que vous voulez faire contre des gens qui sont prêts à consacrer leur vie à ça? Et nous ne sommes pas prêts à consacrer leur vie à ça. Alors, j'ai essayé d'instaurer un dialogue au début avec eux, en leur disant, mais non, il y a des arguments techniques, je comprends, vous êtes de bonne foi, j'ai aucun mépris pour vous, je trouve que c'est convaincant vos arguments, mais. Et vous apercevez que ça ne marche pas du tout. Parce que qu'est-ce qu'ils vous rétorquent? Ils vous disent, mais... Et là, on voit bien l'effet du millefeuille argumentatif, et je m'arrêterai vraiment là-dessus. Ils disent, mais est-ce que vous diriez que vous êtes convaincu à 100% qu'il n'y a pas eu complot de la CIA? Si vous êtes tout à fait honnête, vous ne pouvez pas dire ça, moi j'en sais rien. Si demain on m'apprend que c'est un complot de la CIA, je dirais, ah bon, bah ok, effectivement, bah, en tout cas les arguments qui étaient en présence n'étaient pas convaincants, mais si c'est ça, c'est ça, j'en sais rien moi. Je ne suis pas là dans le secret des dieux, je crois par délégation, je regarde les arguments, je vois qu'il n'y a aucun argument qui est susceptible de me faire basculer vers cette croyance conspirationniste. Mais ils utilisent les mêmes techniques, disait-on, que les geôliers chinois avaient utilisées dans la guerre de Corée, paraît-il, pour convaincre, parce que vous savez, il y a des Américains qui étaient revenus, qui faisaient des déclarations pro-communistes, et ça a beaucoup choqué l'opinion publique américaine à l'époque. On avait imaginé que les Chinois possédaient des machines à laver le cerveau, etc., du brainwashing, on a beaucoup parlé de ça à cette époque. Il paraît que, d'ailleurs, ils ont essayé de faire des expérimentations allant dans ce sens, ils se sont aperçus que ça ne marchait pas du tout. Et tout simplement, de ce que l'on sait de cette affaire, je ne sais pas si elle est semi-mythologique ou si elle est vraie, mais je vous la raconte quand même parce qu'elle est illustrative. Apparemment, les geôliers chinois auraient simplement demandé à un prisonnier américain, est-ce que vous diriez que tout est parfait dans le système capitaliste américain? Et réciproquement, est-ce que vous diriez que vraiment tout est pourri dans le système communiste, en général? Alors, évidemment, la plupart d'entre eux, peut-être, sentaient le danger, ils disaient « oui, c'est parfait », enfin, ils ne voulaient pas rentrer là-dedans, mais puis certains disaient « ben non, je ne sais pas, le système de santé, le système d'éducation, peut-être c'est pas mal ». Et alors après, semble-t-il, ils avaient une radio comme ça dans les camps, et ils faisaient des déclarations du type « l'adjudant machin considère que… » Alors évidemment, ce type était mis tout à coup en minorité par rapport aux autres, qu'est-ce que tu as dit? Ben oui, mais c'est vrai, il était tenu de défendre sa position, selon un effet de dissonance cognitive que vous connaissez tous, il renforçait sa position, etc., etc. Et quelques-uns d'entre eux, très minoritaires sans doute, retournaient au pays au bout d'un moment, incrémentiellement, en défendant, des thèses communistes. Voilà, merci. Merci beaucoup, Gérald. Bravo. Bon, mais la parole est à la salle. Une question. Pierre. J'ai pas lu encore le livre. Ta réflexion ancienne, Eric, repose beaucoup sur les travaux de psychologie. Aujourd'hui, ta thèse, si je l'ai bien compris et suivi, est de dire que Internet permet un plus grand développement de croyances fausses ou bizarres à partir du moment où ce sont les personnes motivées qui, en quelque sorte, monopolisent les pas sur Internet et que les personnes indécises confrontées à une recherche d'informations vont tomber sur les arguments développés par ces personnes motivées au détriment des autres théories, et que donc c'est pour ça que tu as un côté un peu catastrophiste. On va vers la dérive. Il me semble que ton argument est contradictoire. En psychologie, en fait, tu as trois types de résultats. Il y a des résultats qui concernent l'ensemble des comportements, comme les expériences de Miller sur la mémorisation de cet élément. C'est une constante, et en fait, il y a très peu de contre-exemples, à part des gens qui se sont entraînés, qui sont parfaitement atypiques. puis ensuite des raisonnements tendanciels, hein, des situations tendancielles qui sont assez partagées, et c'est une des problèmes de la psychologie de savoir pourquoi tel comportement, 50% par exemple, et l'autre comportement 50%, tu vois, question ouverte. Et puis il y a en psychologie beaucoup de choses qui sont très spécialisées, comme par exemple le psychopathe. Est-ce que tu es psychopathe, tu vois? Les psychopathes, c'est un certain type de style comme ça, et la majorité des gens ne sont pas psychopathes, ils ne sont pas autistes. Gilovitch a beaucoup insisté sur les comportements motivés, les croyances motivées. C'est-à-dire quand les croyances ne sont pas très claires, comme ça, la motivation va faire qu'on va tendre à croire aux choses qui sont conformes par ailleurs au désir que l'on a, qu'elles soient vraies ou fausses. Typiquement, on ne sait pas. Mais alors, évidemment, il faut avoir la motivation pour adopter ces croyances. On a tous trouvé Schelling, tu sais, quand tu cherchais le nom de Schelling, on n'a pas trouvé le nom du site, là, parce que personne ne s'intéresse au site. Ce qui est intéressant, c'est de voir pourquoi certaines personnes ont des motivations d'un certain type qui les poussent à adopter certaines croyances en situation d'incertitude cognitive de type Gilovitch. Et alors, en fait, il y a un certain type de raisons, j'imagine, notamment des raisons politiques, par exemple, pour 11 septembre, n'est-ce pas ? Quelqu'un qui est plutôt pro-américain, anti-américain. Alors, tu fais l'hypothèse que la personne qui n'a pas de motivation particulière à adopter tel ou tel raisonnement va tomber dans le sac des gens qui ont la motivation, et sans la motivation desquels, il n'y aurait pas cette implication dans l'effort de mettre des blogs, etc. Or, en fait, tout ce que montrent les analyses psychologiques et tes travaux, c'est qu'il faut cette motivation, sinon on s'en fout complètement. Et alors la personne incertaine, si tu veux, qui n'a pas la motivation de type Gilovitch, va aller sur Internet. Bon, tu dis qu'ils vont s'arrêter aux 30, et que les 30, c'est un oligopole trusté par ça. Mais encore faut-il, pour que les gens acceptent cette série de raisonnements froids, qu'ils aient de la motivation. Or, ils n'ont pas. Alors, tu penses que, alors qu'ils n'ont pas de la motivation qui est à la source de l'adoption des croyances, ils vont, sur une base rationnelle, adopter ces croyances. Mais ça ne marche pas, puisqu'il faut la motivation. Ok, je crois avoir compris. D'abord, d'une part, je distinguerai la question de la motivation sur la contamination, parce que quand tu parles de Gilovitch, il s'agit de la contamination du croire par le désir. C'est pas ça dont j'ai parlé, hein, qui est un fait qui m'intéresse aussi. Mais, globalement, les gens ne veulent pas croire qu'il y a eu des attentats durant ce temps. D'accord. Donc, il y a ça, il y a la contamination du croire par le désir. Là, quand j'ai parlé de motivation du croyant, c'est que la croyance est déjà installée, il est plus motivé que les autres pour faire valoir un certain nombre d'éléments cognitifs. Ça, donc, sont deux choses différentes. Mais en revanche, ça répond pas du tout à ta question. Je dirais que tu pars du principe que les individus dont je parle, ceux que j'ai appelés les indécis, et que j'aurais peut-être dû définir un peu plus précisément, sans doute, n'ont pas de croyance préalable ou de disposition à croire ou de désir de croire. Par exemple, je vais considérer, prenons un modèle basique, on va dire que dans la population générale, admettons, je dis n'importe quoi, il y ait 20% d'américanophobes. Bon. Eh bien, dans ces indécis, tu auras toutes choses égales par ailleurs, 20% d'américanophobes, admettons, c'est peut-être pas une population représentative, mais faisons cette hypothèse, eh bien, ce sont ceux-là qui auparavant n'avaient pas emboîté, encapsulé leur américanophobie à cette disposition conspirationniste, ils sont indécis du point de vue de la thèse conspirationniste au moment où nous parlons. Et ils vont basculer dans une croyance qui... Oui, puisque tu sais, les psychologues... Il y a une temporalité. Cherche, si tu veux, des arguments qui vont aller. Mais oui, mais il y a une temporalité. Il faut bien commencer à un moment donné. Ils ont, évidemment qu'on raisonne toutes choses égales par ailleurs, sinon on ne peut pas commencer. Donc mais en fait, ils sont motivés. Genre, ils ont probablement. Là, il faudrait affiner. Mais moi, au niveau d'évaluation que j'ai, je n'ai pas les outils pour aller voir ça. Il y aurait d'autres enquêtes à mener pour affiner ça, bien sûr. Je l'ai fait d'ailleurs avec certains étudiants de Strasbourg. Ce qu'on observe, je peux te dire, par exemple, c'est. J'ai proposé, d'ailleurs j'en parle dans le livre, donc tu verras, je fais un petit encart là-dessus, sur les EMI, les expériences de mort imminente, vous voyez, NDE en anglais, les gens qui ont l'impression que quand ils ont eu un accident, certains d'entre eux ils voient un tunnel lumineux. On a tous entendu parler de ces histoires. Bon, on a fait un certain nombre d'entretiens avec des étudiants, Et on a enregistré le taux de croyance, entre guillemets, déclaré. Taux de croyance déclaré, on disait, voilà, zéro, ça veut dire vous ne croyez pas du tout que c'est la preuve de l'existence d'une âme. On sait que ça s'explique par des mécanismes chimiques dans le cerveau, il n'y a rien de... Et 10, vous y croyez absolument, c'est la démonstration qu'une âme existe. C'est un peu caricatural, c'est une échelle d'évaluation comme ça. Ensuite, on leur donnait Google Chrome, parce que ça permet de mesurer le temps passé sur tel ou tel site. Et puis, on regardait les sites qu'ils avaient consultés. Alors, on les laissait libres. Et puis ensuite, on refaisait un entretien. Alors, qu'est-ce que vous avez lu? Qu'est-ce qui vous a marqué? Qu'est-ce que vous en êtes où? Puis à la fin, on faisait une évaluation. La plupart des gens ne changeaient pas de point de vue. C'est-à-dire, ceux qui étaient considérés entre 0 et 2 ou entre 7 et 10 ne changeaient pas de point de vue. Mais ceux qui changeaient de point de vue, c'était ceux qui étaient au milieu, justement, ceux qui étaient indécis. Indécis ne signifie pas, parce que c'est absolument impossible, la tabula rasa, la neutralité absolument cognitive, ça n'existe pas ça. Mais en tout cas, du point de vue de ce qu'on peut déceler par les indices qui sont les nôtres, qui sont très basiques quand on est sociologue, il y a une forme, c'est pas un individu qui a déjà basculé dans une forme de croyance déclarative. Si tu l'interroges, il ne va pas te dire « je crois à la théorie du complot ». Voilà, c'est aussi terre à terre que ça. Quoi, non, parce qu'on a le sentiment quand même, enfin, moi je n'ai pas étudié ces sujets, je parle vraiment de manière naïve comme ça, on a le sentiment que ces croyances bizarres, etc., restent confinées. Ah non, c'est pas du tout le cas. Aux cercles qui sont prêts à entendre ce genre de choses. Non, pas du tout. Il y a un sondage dont on peut d'ailleurs discuter, hein, mais je ne sais pas si vous l'avez vu. Par exemple, c'est quoi l'exemple que tu as donné tout à l'heure? J'ai oublié. À partir du moment où il y a un démenti qui arrive, ça y est, on change la vie. Oui, non, mais ça arrive. Donc les gens sont globalement raisonnables. Oui, mais tu oublies une chose, c'est qu'il y a un certain nombre de... Il veut se rassurer. Oui, je crois. Mais tu sais bien que je crois que les gens sont globalement raisonnables. Enfin, plus précisément, je crois que les gens ont des raisons de croire, ce qui ne veut pas dire qu'ils ont raison. Ils sont motivés, tu vois, évidemment. Mais c'est pas descriptif ce que tu es en train de dire de la réalité des données qu'on a. Bien sûr qu'il y a des croyances qui peuvent être démenties. Là, nous parlons de croyances, par exemple, qui ne peuvent pas être démenties. Par exemple, tu ne pourras jamais prouver qu'il n'y a pas eu de complot. Ça n'a pas de sens, orthodoxe. Ça veut dire que... ici, attention, c'est pas parce que tu ne peux pas le prouver qu'il n'y a pas un faisceau d'indices qui permet de rendre crédible la version officielle des faits. On a marché, par exemple, sur la Lune, si c'est assez crédible. Si tu as un faisceau d'indices convaincant, c'est que c'est quasiment prouvé. Bon. Pas suffisamment pour les conspirationnistes. Tout est comme ça. Non, mais ça marche pas comme ça, les croyants. C'est ça le problème. Non, j'aimerais bien qu'on soit dans un monde. Enfin, j'aimerais pas parce que j'aurais pas de boulot sinon. Disons, ça me. Alors, croyance motivée. Est-ce qu'il y a d'autres questions? D'autres questions? Alors, tiens, moi j'en ai une. Je veux juste ajouter parce que il y a un sondage récent là qui, à mon avis, il a été surinterprété, mais qui dit globalement le titre des journaux, c'est il y a un Français sur deux qui aujourd'hui croit à une théorie conspirationniste. Donc quand on regarde, vous l'avez vu ce sondage un peu, quand on regarde, c'est un peu plus ambigu que ça, mais il ne faut surtout pas croire que c'est justement, c'est ça le sujet, c'est pas confiné à des espaces, c'est plus confiné à des espaces de radicalité. Alors, moi j'aurais voulu te poser deux questions. La première, c'est est-ce que ce que tu racontes correspond à un invariant culturel? C'est-à-dire, est-ce qu'au fond, c'est la même chose dans toutes les sociétés? Parce qu'au fond, lorsqu'on regarde par exemple les valeurs, un certain nombre de valeurs, on voit qu'il y a quand même des différences culturelles très fortes entre les sociétés, sur tout un ensemble de croyances précisément, et de valeurs. Donc voilà, est-ce que ce que tu décris est un invariant culturel? Et notamment, je pense bien sûr aux différences culturelles entre les sociétés occidentales, mais aussi aux différences entre le monde occidental et non occidental. Alors, est-ce que tu as travaillé là-dessus? Parce qu'il y a aussi une explosion d'Internet dans le monde non occidental. Oui. Et on a la montée absolument fulgurante d'une nouvelle classe moyenne dans les sociétés en développement. En Chine, en Indonésie. Là, c'est un phénomène, d'ailleurs, un bouleversement extraordinaire. Parce que vraiment, l'explosion d'une classe moyenne qui a maintenant accès à Internet. Et donc, on se demande si l'usage qu'ils font d'Internet et les croyances qui sont associées, est-ce que c'est le même? Est-ce que ce côté obscur d'Internet, en quelque sorte, exerce son effet aussi dans ce monde-là, ou est-ce qu'il y a un effet plus positif, peut-être? Bon. Donc ça, c'était la première question. Et la deuxième, très différente, c'est qu'on aimerait avoir quelques éclaircissements, peut-être, sur Ben, les méthodes que tu utilises et les méthodes empiriques que tu utilises, au fond, pour travailler. Voilà, on se dit, ah ben tiens, il y aurait peut-être des méthodes de psychologie sociale qui seraient intéressantes pour étudier ton objet, enfin, ou d'autres, je ne sais pas. Donc voilà, voilà les deux questions. D'accord. Alors, sur la question des invariants culturels, en fait, je vais peut-être vous choquer, mais moi, je considère que je définirais la sociologie comme une discipline qui s'intéresse à l'hybridation des invariants mentaux et des variables sociales, des variables culturelles, etc. Pour moi, c'est ça la sociologie, en fait. Donc, j'ai un peu de mal à répondre à ta question. Je ne voudrais pas donner une réponse de Normand, mais je dirais qu'en effet, un certain nombre de processus, j'ose pas les appeler des mécanismes, mais de processus que j'ai décrits, par exemple, et que je n'ai pas inventé, en l'occurrence, le paradoxe d'Olson, est quelque chose qui est invariant. D'accord. Et simplement, cet invariant, à mon avis, va se décliner d'une façon différente dans les espaces sociaux. Je donne un exemple d'un invariant qui me semble être assez avéré, un invariant mental, qui est la confusion qu'on connaît tous entre corrélation et causalité. Tous les peuples sont frappés de cette tentation qui est d'associer à une corrélation une causalité. Sinon, il n'y aurait pas de théorie de la magie. Toute théorie de la magie est un peu fondée sur cette disposition mentale-là. Mais vous voyez bien que cet invariant mental-là, hybridé avec des variables sociales très différentes, ça peut donner aussi bien des croyances A ou non A. Il n'y a pas de surdétermination, de l'expression sociale de ces invariants mentaux. C'est pourquoi on a encore du travail, sinon ça serait pas très intéressant. Concernant donc la Chine, etc., je serais assez curieux de le savoir, je ne le sais pas. Je vous ai dit tout à l'heure, j'ai eu quelques étudiants chinois à Strasbourg qui m'ont assuré, je me rappelle notamment d'une qui avait travaillé sur les crânes de cristal, je ne sais pas si vous connaissez la théorie des crânes de cristal, et qui avait trouvé, alors elle n'avait pas utilisé Google, parce qu'apparemment en Chine, ce n'est pas le moteur principal, elle m'avait dit qu'elle trouvait les mêmes rapports, mais je dois vous dire que je n'ai pas pu le vérifier. Voilà. Donc je fais confiance, peut-être qu'elle a voulu me faire plaisir, j'en sais rien, mais ce serait absolument passionnant de voir ça. Là, naïvement, on se dit qu'Internet dans ces pays-là serait une espèce d'adjuvant à la démocratie. Bon, voilà. Oui, bon, en même temps, mais c'est peut-être une croyance naïve, justement. Ce sont des marchés qui sont beaucoup plus régulés quand même que le monde occidental, donc ça peut créer aussi, mais bon, pas sur ces sujets-là, à mon avis, le pouvoir politique, le crâne de cristal, il s'en fout pas mal, donc je pense qu'il n'y a pas de, il ne doit pas y avoir de régulation de cet ordre-là. D'un autre côté, je crois qu'ils n'ont pas... Facebook, tout ça, enfin c'est plus ou moins, ils ont des, quand même des réseaux sociaux qui sont les leurs. Je sais pas. Ce serait intéressant d'aller voir quand même. Absolument, ouais. J'ai pas les compétences pour le faire, mais quand même, pour dire, comme le disait bien Pierre tout à l'heure, en effet, selon les espaces culturels, il y a des croyances. Mais là, par exemple, sur le conspirationnisme du 11 septembre, on sait très bien que les pics de croyances, c'est par exemple au Moyen-Orient, ou en Égypte, il y a plus de 50% de la population qui croit assez fortement à ça, et on ne peut pas imaginer qu'il n'y a pas là un espace culturel qui explique, qui éclaire cette adhésion. Ouais. Et alors sur les méthodes ? Ah oui, sur les méthodes. Les méthodes que j'utilise, ben en fait, moi, je suis un bricoleur, quoi. C'est-à-dire, je me pose pas la question de la méthode a priori. Je me pose une question, et puis je regarde les outils qu'on peut utiliser. Ce que j'ai fait, par exemple, je me suis demandé comment est-ce qu'on peut évaluer ce rapport de force, là. Et puis je me suis dit, en général, j'essaye de simuler, mentalement d'abord, ce qu'un individu, je dirais, lambda ferait. Et j'essaye de voir comment ensuite on peut essayer de pratiquer. Moi, je pratique l'expérimentation. Alors là, c'est pas une expérimentation, mais en l'occurrence, par exemple, ce que je vous ai décrit tout à l'heure sur les EMI, l'expérience de mort imminente, c'était une forme d'expérimentation. Moi, je crois qu'on peut pratiquer l'expérimentation en sciences sociales. Là aussi, c'est pas facilement accepter ces propositions, parce qu'il s'agit d'isoler les facteurs causaux. On ne peut pas procéder expérimentalement sans avoir l'idée qu'on peut isoler les facteurs causaux. Or, il y a beaucoup de sociologues qui considère avec de bons arguments que c'est impossible, justement, que la matière sociale ne peut pas donner lieu à une expérimentation puisqu'on ne peut pas isoler les facteurs causaux. Ce que je crois faux, puisque je crois à l'idée d'invariants mentaux. Par exemple, c'est pour ça que je m'intéresse à la psychologie cognitive, donc je pense que cet aspect-là peut être, mis en exergue expérimentalement, et ensuite, cela fait des hypothèses pour expliquer, par exemple, le paradoxe d'Olson, c'est un modèle en réalité, qui permet, je tombe sur une situation collective, la domination sur un certain nombre de thèmes de croyants, et vraiment sur beaucoup, beaucoup de thèmes, donc ce n'est pas un fait qui semble être une coïncidence. Donc ça, c'est un fait collectif. Comment l'expliquer ? Vous savez que j'ai cette sensibilité scientifique en sociologie qui me fait dire qu'en général, un phénomène scientifique collectif est expliqué quand on est capable de le ramener à des actions, des interactions individuelles. Et j'essaye de voir si les actions, interactions individuelles que je pressens, elles sont crédibles d'un point de vue psychologique, en faisant abstraction d'un certain nombre de choses que je ne peux pas savoir. Donc j'utilise ce qu'on appelle un idéal type, un individu par exemple indécis. Alors bien sûr, je sais bien que l'indécision totale n'existe pas, il y a peut-être déjà un préalable, mais ça, je ne peux pas l'évaluer. Et je regarde, je le fais fonctionner, je vois si au niveau agrégé, ça donne les bons résultats. Puis ensuite, je fais un test. Qu'est-ce que j'ai fait comme test je vous l'ai dit, je vais voir les forums où il y a des conflits entre croyants et non-croyants, et je regarde quels sont ceux qui ont le plus d'arguments. Et je vois que cette hypothèse que j'ai faite, elle est confirmée. Mais je n'ai pas l'impression d'avoir fait une loi, là. J'ai l'impression d'avoir apporté de bons arguments qui expliquent ce phénomène, jusqu'à preuve du contraire. Oui. J'ai une question que je vais sûrement mal formuler parce que je ne suis pas spécialiste. Et puis, elle risque d'être formulée naïvement ou bêtement. Mais j'ai eu l'impression, à chacun des exemples que vous avez pris, qu'en fait, il y a deux données à cette petite démonstration chaque fois. Et que la donnée d'arrivée, c'est systématiquement un exemple auquel vous supposez qu'une personne douée d'un peu de bon sens ne peut pas adhérer. Et j'ai eu l'impression de vous suivre chaque fois, enfin qu'à la fin de chaque étape de votre démonstration, en fait, ça s'était passé comme ça. Juste parce que les EMIS, on peut encore dire que ça paraisse bizarre à ceux qui ne croient pas, on va dire. Parce que les antennes relais, mais je pense que c'est difficile de parler sur les antennes relais dans la mesure où il semble qu'il n'y ait pas d'antenne crédible faite sur ce sujet. D'accord. Alors, je vous rappelle ce que j'ai dit en début de conférence, c'est que je n'ai pas besoin, même si je vais être honnête jusqu'au bout, j'ai mon point de vue sur ces sujets-là, mais je n'ai pas besoin d'avoir un point de vue pour constater qu'il y a une disjonction en tout cas, il y a une concurrence entre plusieurs produits. Par exemple, sur les EMI. En fait, là, dans l'état où je suis en tant que sociologue, je me moque de savoir si ça démontre l'existence d'une âme. Je n'ai pas besoin de savoir ça. Excusez-moi, c'est là que je réalise que j'ai dit que la moitié de ma question. Ah, non, mais allez-y, alors écoutez-moi. J'ai un peu de peine, excusez-moi, c'est difficile. Non, non, mais aucun problème. Mais justement, voilà, la chose qui me fait sursauter, parce qu'à part ça, on a chacun, on est libre d'avoir ses croyances, comme nous. La chose qui me fait sursauter, c'est que dans les exemples que vous choisissez pour illustrer vos petites démonstrations, j'ai l'impression justement que chaque fois vous employez des termes à un moment qui sous-entendent clairement que pour vous la théorie de l'arrivée, elle est à vos yeux disqualifiée parce que hétérodoxe. Et c'est là où il y a ce jugement de valeur. Oui, vous avez raison. C'est pour ça que je ne vous ai pas caché que j'avais mes points de vue et que mon point de vue peut sans doute contaminer dans mon vocabulaire. Mais je vous demanderai par hypothèse de constater qu'il n'y a pas besoin d'avoir un point de vue là-dessus pour considérer qu'il y a un objet sociologique intéressant. Et quand vous avez une disjonction entre l'opinion publique, qui peut être testable par un sondage, et, alors là, je ne vais pas être d'accord du tout avec vous sur les antennes relais, je m'excuse, et, disons, une position de ce que je vais appeler l'orthodoxie de la science, vous avez un objet sociologique intéressant, parce que ce sont des questions qui sont très techniques, donc on se demande comment se forge l'opinion, si ce n'est par croyance, comme longtemps, je crois que l'opinion s'est faite sur ces questions par délégation. On croyait plutôt à ce que disait... la science, ou parce que ça ne nous intéressait pas plus, et puis c'était assez hautement technique. Là, on voit, il y a toute une série d'indices qui montrent que, pas sur tous les sujets du reste, hein, sur les neurosciences, tout ça, il n'y a pas de ce problème, mais en particulier quand les individus se croient informés, ils ont l'impression, enfin, ils expriment une forme de méfiance, voire de défiance par rapport à la proposition de l'orthodoxie de la science. Alors, pourquoi est-ce que, effectivement, j'ai de temps en temps un discours qui disqualifie certains produits cognitifs, sur les antennes relais, dites qu'il n'y a pas d'enquête sérieuse sur cette question. Non, là, je ne peux pas vous suivre. Je veux dire, il y a plus de 150 enquêtes épidémiologiques, il y a des états de l'art qui sont faits, il faut les lire, bien entendu, c'est ce que moi j'ai fait. Ce sont des enquêtes, c'est des questions qui sont très, très documentées, mais précisément, les militants veulent nous faire croire que c'est peu documenté. Quel est leur intérêt? C'est de faire croire qu'il y a une incertitude scientifique ou une controverse, qui est en fait une controverse qui est seulement médiatique, parce que dans le monde de la science, ceux qui ont une position hétérodoxe et qui, in fine, auront peut-être raison, j'en sais rien, en tout cas sont très très minoritaires sur ces questions d'ondes basse fréquence, par exemple. Et donc, moi qui suis incompétent, parce que je suis sociologue, j'y connais rien, moi, dans ces histoires, donc je lis les états de l'art, je vois les résultats auxquels sont parvenus mes collègues, ils se trompent peut-être, d'ailleurs, j'en sais rien, mais ce qui me semble être une croyance par délégation raisonnable, c'est de déléguer ma croyance à ce qui semble être un point de vue majoritaire sur une question. Et je le fais sur à peu près tous les sujets. Sur le réchauffement climatique, sur toute une série de sujets, ceux qui sont hautement complexes. Je m'étonne par contre que certains collègues fassent ça quand ça les arrange, et pas sur d'autres sujets. Moi, j'essaie d'avoir une position, et je peux me tromper avec cette orthodoxie, si vous voulez, mais on ne peut pas dire que ce n'est pas des questions qui sont hautement documentées. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de publications sur ce point. Voilà. Mais ça peut, la science étant souvent provisoire, peut-être que demain, ça sera démontré faux, j'en sais rien. Il y a quand même un faisceau d'indices fort qui devrait nous rassurer. Mais les antennes, c'est juste un exemple parmi d'autres. Simplement, ouais. Je n'ai pas bien vu où se situe votre démonstration. La démonstration de quoi? Entre le fait que vous partiez de quelque chose où vous dites que les gens qui ne sont pas sûrs sont en danger d'être influencés par des gens qui les manipulent parce qu'ils ont eux des certitudes, et puis l'arrivée à des croyances dont vous avez systématiquement choisi les exemples parmi des choses justement qui à la limite, c'est pas très productif de discuter publiquement, parce que à la limite, si on veut adhérer à des choses sur lesquelles on a le droit. C'est, entre les deux, je n'ai pas bien vu où se situe votre rapport, je ne vais pas dire scientifique, enfin bon, votre rapport concret. Bah écoutez, un certain nombre de, par exemple, pour reprendre la théorie du complot qui peut sembler loufoque pour certaines d'entre elles, un certain nombre de spécialistes de ces questions constatent que ces thèmes-là, je le redis, sont sortis de leur espace, disons, de radicalité habituelle. Ce sont des théories qui ont toujours existé. Ce n'est pas la première fois dans l'histoire que ces thèmes débordent, en quelque sorte, dans leur espace de radicalité. Ça n'a pas donné des situations historiques très, très agréables. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut s'intéresser à cette question. Ce n'est pas ça qui justifie l'intérêt scientifique de cette question. Mais voilà un fait sociologique intéressant. J'essaye d'expliquer. Je ne vois pas où est le... Je pense qu'un certain nombre d'éléments que je vous ai donnés, sans être exhaustif, indique un rapport de force. Mais par contre, je ne serais peut-être pas si pessimiste qu'on voudrait me le faire dire, parce que je pense qu'il y a des effets de saturation que là, je n'arrive pas à expliquer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, sur un thème, mais là, c'est une conversation de comptoir, hein, pour le coup, j'ai l'impression que les gens en ont marre au bout d'un moment. Et du coup, il y a un effet oscillatoire, mais qu'il faudrait rajouter cette théorie-là pour mais je ne sais pas comment l'évaluer, les effets de saturation. En psychologie, c'est la néophobie et la archéophobie. On se lasse des choses. En fait. Oui, ben voilà, il faudrait que je creuse un peu ces questions. Ouais. Ouais, une question sur la méthode. Lorsque tu cites constamment les références au sondage, ou alors les expériences également qui sont faites, on demande aux gens, vous y croyez, vous y croyez pas. On a tous répondu comme ça à des sondages dans la rue, bon, on y croit, on ne croit pas. Ensuite, même en situant sur une échelle de 8 à 10, alors c'est moi qui vais me faire le défenseur des méthodes qualitatives, est-ce que finalement on ne pourrait pas obtenir d'autres résultats, parfois très différents, si on faisait des entretiens qualitatifs avec des croyances en situation? Pour reprendre l'exemple que citait Madame tout à l'heure, par exemple sur les antennes relais, j'y crois pas, finalement ça mange pas de pain de répondre, et après se situer sur une échelle. Si on est amené à enquêter auprès de gens, leur demandant d'argumenter si finalement ils ont accepté de payer moins cher, plus cher, un bien immobilier, parce qu'ils savent qu'une antenne relais, etc. Est-ce que finalement, même si les méthodes sont beaucoup plus lourdes, est-ce qu'on ne va pas beaucoup plus près des croyances que quand les gens finalement s'expriment? Parce que même les psychologues sociaux aujourd'hui sont quand même de plus en plus critiques vis-à-vis de ces expériences qu'on fait en laboratoire, où finalement ça n'engage pas beaucoup. Vous trouvez un portefeuille, est-ce que vous le rendez, est-ce que vous ne le rendez pas? Est-ce que vous payez plutôt votre mère, votre frère, votre voisine, votre cousin, etc. Donc tout le monde le sait, oui, et on sait que finalement il y a un engagement, c'est une attention oblique, comme dirait Hogarth, c'est quelque chose de très distant, et un engagement qui est très faible. Quand on va faire du qualitatif auprès des gens, leur demander finalement, vous êtes dans un quartier d'antenne relais, concrètement, comment est-ce que vous le vivez, comment est-ce que vous le traduisez, quels sont les arbitrages que vous allez faire, est-ce que finalement on n'a pas quelque chose de beaucoup plus convaincant, et est-ce que tu n'es pas extrêmement généreux avec les sondages en considérant finalement qu'ils donnent une image assez juste de la réalité? Non, non, mais c'est une très bonne, c'est une très bonne remarque que je ne considérais pas comme une objection en réalité. Alors sur le, je l'ai pas dit ou peut-être je l'ai dit tout à l'heure, mais cette évaluation quantitative un peu que j'ai admis qui était un peu grossière, elle était accompagnée d'entretiens qualitatifs. Je l'ai dit avant et après, on a fait des entretiens pour voir s'il y avait une adéquation entre ce que cette déclaration numérique et puis le qualitatif, on va dire. Non, mais c'est évident, tous ceux qui travaillent sur la question du risque savent par exemple que la proximité au risque supposé est un facteur qui influence beaucoup. Le fait de vivre à côté, par exemple, d'une centrale nucléaire ou de vivre à côté d'une usine chimique, paradoxalement, fait décroître souvent le sentiment de danger. Donc, oui, bien sûr. Comment ? Il faut le gérer psychologiquement. Ouais, voilà. Et puis en plus, il y a des intérêts économiques. Il y a toute une série de raisons qui expliquent qu'il y a une acceptabilité sociale qui est un peu plus importante. Alors voilà, à présent, moi, tu as bien compris que dès que je travaille sur un sujet plus précis, bah, je vais m'approcher, je vais faire des entretiens, etc. Là, j'essaye de raisonner au niveau macro-social, véritablement, avec des effets massifs et dont je conçois bien qu'il y a quelque chose d'un peu grossier et qui peuvent donner lieu à des centaines d'autres recherches plus précises. Ce qui m'intéresse, c'est le rapport de force général qu'on voit se dessiner et de trouver des explications satisfaisantes qui ne soient pas du type « c'est la crise » ou je ne sais pas quoi, qui consiste à faire émerger des hypothèses ad hoc pour rendre compte d'un phénomène. C'est-à-dire vraiment essayer de voir comment, avec une psychologie fruste, on va dire, basique, des éléments cognitifs qui sont à peu près connus, est-ce que ça fonctionne ou pas ? Et voilà. Et ensuite, bien sûr que pour affiner les choses, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travaux. Hervé Flancard fait une HDR avec moi sur précisément ces questions-là de perception du risque par rapport à la distance. Hein, et là aussi, on obtient des modèles mais auxquels tu pourrais faire la même objection, si tu veux, parce que lui, il tient compte que de la distance géographique. Il ne dit pas que tout est là-dedans. Il dit que c'est un facteur intéressant. Il essaye d'isoler ce facteur causal. Mais en aucun cas, il va rendre compte de la complexité de la perception du risque. Voilà. Mais le problème, c'est que, d'un point de vue épistémologique, je dis qu'il ne faut pas se laisser intimider par ce genre d'argument. Parce que sinon, on est conduit à faire que du qualitatif mou. Voilà. Il faut prendre le risque. Ouais, de temps en temps, il faut un peu se mettre comme ça sur la table et dire, voilà, moi, je pense que, et ça, c'est testable. Et si ça ne marche pas, j'essaierai de voir. Voilà. Oui. Mais du coup, je trouve que, en reliant l'intervention d'Alain et celle de Pierre, le fait que ce soit des expérimentations, donc tu dis toi-même qu'elles sont fragiles, du point de vue méthodologique, ne permet pas de répondre à ce que Pierre disait au départ. C'est-à-dire que tu lui dis, la vie varie pour les indécis, par exemple, sur des expériences de mort, etc. C'est pas ceux qui n'y croient pas du tout, ou ceux qui y croient tout à fait, c'est les indécis. Ceux-là, on voit qu'une fois qu'ils ont consulté les sites sur Google Chrome, un certain nombre va changer d'avis. Sauf qu'ils vont consulter sur ta décision. Ouais. Et que dans la vraie vie, est-ce qu'ils auraient été voir sur Google Chrome ? Je considère évidemment, Clara, que c'est une simulation de ce qui pourrait se produire dans la vraie vie. Bah oui. Ça, c'est le problème de toute forme d'expérimentation. C'est-à-dire qu'on suppose, toute chose égale par ailleurs, que c'est une situation psychologiquement crédible. Mais il y a quand même un certain nombre, là aussi, d'enquêtes qui montrent que, notamment dans les classes les plus jeunes, que Olivier Gamin connaît infiniment mieux que moi, il y a une tendance à aller chercher l'information sur Internet plutôt qu'ailleurs. Mais de toute façon, c'est une tendance généralisée. Sur les thèmes qui nous intéressent, c'est-à-dire moi qui suis indécis sur le tunnel, l'âme, etc., j'ai vraiment aucun avis, tu me forces à aller regarder les sites, peut-être que je vais être convaincu par les motivés, mais dans ma vraie vie, qu'on doit étudier, enfin, la vie sociale réelle, c'est-à-dire pas expérimentée, dans ma vraie vie, je n'irai jamais. Mais tu as tout à fait, enfin, jamais, je sais pas, mais tu enfin, as. Je suppose que tu fais ça pour toute une série, enfin, moi en tout cas, je le fais pour toute une série de thèmes, par exemple, quand il y a quelque chose qui survient, et je comprends pas, par exemple sur Facebook, c'est typique, je vois une phrase d'un de mes amis, et je comprends pas à quoi il fait référence, un truc d'actualité. Ouais. Je vais chercher, voilà. En quoi est-ce que c'est totalement, comment dirais-je, fictionnel d'imaginer quelque chose comme ça ? Sur des sujets polémiques qui ne nous concernent pas, parce que je ne suis pas sur Facebook, mais je pense que si j'y étais, j'aurais très peu d'amis concernés par le phénomène du tunnel, etc., au point d'en faire mention. Enfin, du coup, ça me paraît un peu une... Mais simplement, le problème réciproque, c'est que ça veut dire en réalité que le fait que ces indécis, ceux que j'ai appelés les indécis, sont massivement ceux qui changent d'avis est une simple coïncidence. Moi, je prétends que ce n'est pas un artefact expérimental, qu'il y a quelque chose qui est révélé là, qui est totalement artificiel, mais qui dit quelque chose de ce qui pourrait se produire dans la vie réelle. Ceci dit, ce que vous dites, c'est un problème plus général, je crois, de l'enquête sociologique. Parce que nous, on s'en, oui, et même des enquêtes tout à fait classiques. Nous, on s'en est aperçu dans l'enquête, on vient de faire une enquête sur les inégalités. Donc il y avait une enquête par questionnaire où on posait aux gens toute une série de questions sur les inégalités, auxquelles les gens répondaient. Et on a fait en parallèle des entretiens sur les inégalités. Et on s'est aperçu, dans ces entretiens qualitatifs, qu'une partie non négligeable de la population, au fond, ne s'intéressait pas aux inégalités. Voilà. Ils ne s'y intéressaient pas, mais ils répondent quand même. Bah oui, bah bien sûr. Ils répondent quand même. Comment et donc, voilà. Il y a un effet un peu d'imposition. Bien sûr, un effet d'imposition du questionnement sociologique qui force un peu les gens à répondre sur des choses auxquelles, finalement, parfois, ils ne s'intéressent pas. Non, je pense que tu ne dirais pas les choses comme tu viens de le dire sur ce sujet-là. Il est tout à fait clair que sur le sujet sur les inégalités, quand on lit les entretiens qualitatifs que nous avons faits, Olivier et moi, on découvre que les gens sont plus ou moins intéressés par ce sujet. Bien, est-ce que ça veut dire que ce qu'ils nous répondent quand ils ne sont pas très intéressés ne correspond pas à ce qu'ils pensent quand on leur demande de s'y intéresser? Parce que c'est aussi ce pas là que tu fais implicitement. Je n'ai pas ce sentiment en lisant les entretiens. Quand on leur demande de nous en parler, ils nous disent ce qu'ils pensent. Simplement, ce que nous avons laissé complètement échapper dans l'enquête quantitative, et qui n'est pas non plus très présent dans l'enquête qualitative, mais se voit quand on essaie de comprendre la façon dont les gens parlent, c'est que il y a un degré d'implication qui est plus ou moins grand sur le sujet. Ça, nous ne l'avons pas. Mais il n'empêche que, quand on leur donne, encore une fois, je suis convaincu qu'ils nous ont donné correctement leur opinion sur ce sujet. Oui, est-ce qu'il y a une disjonction entre qualitatif et quantitatif, c'est ça. Mais cette question du degré d'implication, c'est un point important. C'est un point très important. Absolument, c'est vrai. Sur Internet, sur le Loch Ness, par exemple, moi j'ai envie de savoir c'est quoi cette histoire de Loch Ness, etc. Je ne vais pas aller visiter les sites bidons. Enfin, je vais chercher le site Wikipédia, je ne sais pas quoi, qui me donnera un aperçu. Oui, mais tu n'es pas forcément représentatif, si tu veux, de l'internet. Je pense que ce que dit Gérald sur les jeunes est vrai. Les jeunes, ils ont un rapport à Internet qui est peut-être un peu moins rationnel que le tien. Je peux faire une plaisanterie. Oui. je propose un peu de silence. Vas-y, Claire. Puisque je vais être courte, puisque grâce à toi j'ai été nommé à Nancy et que pendant 3 ans Clara, toi et moi nous avons été collègues à Nancy, je peux dire qu'il y a des gens bêtes. Mais il y a des gens bêtes. La bêtise, ça existe, bien sûr. Bon, tout ça ne sortira pas de cette salle. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions, interventions? Oui. Moi, j'aurais une question sur la notion de marché cognitif, en fait, qui revient souvent, que tu qualifies comme une métaphore, et non pas comme un concept. Je voudrais savoir, est-ce qu'on peut en faire un concept ou pas, dans quelle mesure? Et donc, notamment, si on prend en compte un peu la sociologie des marchés, et la conception du marché par les sociologues, alors notamment les arguments morphologiques, en gros, qu'est-ce qui fait la morphologie d'un marché? Il y a quelques arguments, en fait, qu'on retrouve dans la présentation, notamment sur la morphologie de la presse avec des frontières qui s'estompent, par exemple, ou des acteurs qui deviennent dominants au sein d'un marché cognitif parce qu'ils sont motivés à l'être. Et après, on peut se demander, est-ce qu'il y a d'autres choses, notamment est-ce qu'il y a des institutions, des hiérarchies qui structurent ce marché cognitif. Alors, notamment quand on se demande, par exemple, on prend l'exemple des 30 liens Google, des 30 liens qui s'affichent, on se dit, qu'est-ce que ça dit du marché cognitif qui s'offre à nous et comment les gens se réfèrent et consomment ces biens cognitifs. Tu fais un peu l'hypothèse que, en gros, tous ces liens s'équivalent, au sens où il n'y a pas vraiment un principe d'autorité qui va agir, au sens, par exemple, si parmi ces 30 liens, il n'y a qu'un lien qui se dirige vers une information qui est orthodoxe et qui va invalider une croyance loufoque, mais qui est relayée, je ne sais pas, par soi, le site du Monde, ou le site de la Sorbonne, d'Harvard, etc., en gros le site d'une institution, est-ce que les individus vont pas être incités à plus y adhérer, même s'ils sont, disons, dominés d'un point de vue quantitatif? Et en fait, là, pour moi, c'est un problème, c'est d'utiliser notamment les termes d'oligopole cognitif. C'est un problème parce que l'oligopole est mesuré à partir du nombre, notamment, enfin, de, par exemple de lien là. Mais en fait, il y a des principes d'autorité, de hiérarchie, d'institution qui sont assez forts, donc, je pense notamment, y compris sur Internet. Ce qu'on a tendance à faire d'Internet, un monde justement où il devient aplati. Ouais, ouais. Mais c'est, en fait, beaucoup de vos remarques en fait, sont teintées de la même objection à laquelle je réponds du coup de façon un peu redondante, je m'en excuse. Alors, sur le classement, on sait comment à peu près, enfin, quoi que l'algorithme réel de Google est tenu secret, mais ça fonctionne sur un truc qu'on appelle PageRank, que tu connais le principe, donc c'est des sites qui se pointent, etc. On sait à peu près comment ça se structure. Non, enfin, d'abord, répondre sur la question, oui, j'utilise le terme de marché cognitif comme une métaphore, c'est-à-dire comme effectivement un panier à images pour me faire comprendre. Mais je ne prétends pas que ce n'est qu'une métaphore. Simplement, je n'ai pas vraiment les compétences, ça ne m'intéresse pas d'en faire un concept, mais par exemple, Jeremy Ward, qui travaille avec moi, lui, il a envie d'en faire un concept, parce qu'il connaît bien mieux la théorie socio-économique que moi, et bon, moi, je n'ai pas envie de consacrer du temps à ça, mais peut-être que ça marchera, et tant mieux pour lui. moi, j'utilise pour me faire comprendre, parce que tout le monde sait ce que c'est qu'un marché, moi, un monopole, un oligopole, je ne veux pas me battre à l'infini pour défendre ce terme-là ou un autre. L'autre question, qui est celui du principe d'autorité, qu'on m'a souvent opposé, je ne suis pas du tout, aveugle au fait qu'une croyance se diffuse aussi en fonction de l'autorité de l'individu qui porte ce message. Non seulement je ne suis pas aveugle à ça, mais je vais même travailler un peu sur ces questions, sur des faits qui sont charifs, etc. Il y a beaucoup de données là-dessus. On sait qu'il y a, selon les rapports émotionnels, les rapports d'autorité, les compétences qu'on prête, bien sûr, il y a tout ça. Mais encore une fois, je ne peux me défendre sur cette question qu'en disant que je raisonne ceteris paribus. C'est comme ça qu'on fait de l'expérimentation. Je ne dis pas que ce n'est pas intéressant de voir le rapport que l'individu a, par exemple, à Wikipédia. Évidemment que ce rapport ne va pas être le même. En posant l'hypothèse qu'on est face à un indécis, je vais supposer que c'est donc un individu qui ne va pas prêter plus d'autorité au point de vue de l'Académie des sciences que celui de Greenpeace. Cet individu n'existe peut-être pas en vrai, mais c'est juste un idéal type hypothétique pour voir comment ça fonctionne. Voilà. Mais bien entendu que dans la vraie vie, puisqu'on m'a toujours opposé cette question-là, on ne peut faire aucune expérimentation. Toute expérimentation est fondée sur la négligence d'un certain nombre de facteurs en espérant que ces facteurs sont suffisamment négligeables pour ne pas créer un artefact. Voilà. On peut expérimenter pour mesurer l'autorité. Bien sûr, mais il y a plein, mon Dieu, il y a plein d'expérimentations là-dessus. Je les évoque d'ailleurs dans l'Empire des Croyants, j'ai tout un chapitre sur ces questions. Mais voilà, il faudrait faire une enquête beaucoup plus approfondie, et pourquoi pas, ça se justifierait complètement. Simplement, je considère que l'hypothèse selon laquelle le nombre d'argumentations qui vont être en faveur ou pas d'une idée disponible immédiatement pour un individu qui n'aurait pas une idée reçue est un facteur causal qui n'est pas négligé. Voilà, je ne dis pas plus que ça en fait. Ouais. Voilà. C'est plus de questions. Bon, alors on va remercier beaucoup Gérard. Merci à vous pour cet exposé, cette discussion passionnante. Merci beaucoup. Merci bien, c'était impressionnant. Oui, j'ai des questions de très bon niveau.